C'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F-O-U 89-1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plus aujourd'hui, Assemblage requis. Stéphanie Paradis vient nous présenter sa liste des petits bonheurs des émissions jeunesse. David Ferron nous fera entendre la musique francophone avec la langue dans ton oreille. Une visite surprise de Marie-Pierre Laforce-Bourré avec sa chronique, etc. C'est aujourd'hui, ce matin, là, juste là. Quand t'annonces une visite surprise, c'est probablement pour dire que ça aura pas lieu finalement. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis, ce mercredi 27 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau s'en vient dans quelques minutes. Stéphanie Paradis est là par contre. Oui, je suis là, t'es pas tout seul. Pour débuter l'émission. Mais t'as failli être tout seul par contre. Ben ça aurait pu, hein, parce que ce matin c'était difficile pour toi. Oui, mais ce matin j'ai fait un mirage, je me suis préparé en 30 minutes au lieu d'une heure, je sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est gratuit. Mais ouais, c'est ça. J'ai mangé mes toasts d'une main, j'ai tiré mes cheveux de l'autre et je m'habillais avec mes jambes. Les cheveux graisseux, c'est pour ça, là. Non? Mais non, ils sont super beaux. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Tu pêches un compliment, lève-la, tes cheveux sont super beaux. Bon. Yeah. Gagnante. Donc aujourd'hui à l'émission, on aura toi, Stéphanie Paradis, étrangement. Entre autres. À 7h30. Étrangement. Ben oui, je suis tout le temps là. Comme tous les mercredis, et aujourd'hui, c'est les petits bonheurs, en alternance avec la chronique Zone Campus. Oui. Et on va écouter des émissions de télé. Je pense qu'on va se taper la série de Sur la piste au complet, du début à la fin. Non? Au complet. Qu'est-ce que tu vas nous présenter, mettons? Ah, tu veux pas que ce soit une surprise? Ah, ben oui, mais titille-nous un petit peu, titille-nous. Ben, je te dirais que je commence... ben, c'est vraiment le début des années 90, là. Oui, le meilleur. Principalement, c'est des émissions de Canal Famille. J'ai une émission de Télé-Québec. OK. Donc... Qu'est-ce qu'il y avait à Télé-Québec au début des années 90? Attends, ben, je suis sûr, là. Téléservice. Vox Pop, Cogeco Câble, ah! Le bingo de Cogeco Câble. La messe. La messe. Oh, ça va être palpitant. Donc, c'est à 7h30. Ensuite, à 8h, David Ferron et la chronique La Langue dans ton oreille nous présente, comme toujours, de la musique francophone. Des fois, c'est, ça varie. Des fois, c'est différents pays du monde. On sait pas trop. C'est pas donné son sujet aujourd'hui. Et oui, le gala des prix Tri-Or qui récompense les meilleurs artistes franco-ontariens. Tant mieux. Ensuite de ça, on devrait avoir à 8h30 la visite de Marie-Pierre Laforge-Bourret, sa chronique, etc. Elle est d'habitude aux deux semaines, étant pas la semaine qu'on est dedans en ce moment même. Qui était la semaine dernière, ouais, mais qu'elle avait une extinction de voix. C'est ça. Donc là, elle reviendrait cette semaine. Et la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, après ça, aux deux semaines. Ouf! Bon, bref, peut-être qu'elle sera avec nous à 8h30. On va aussi vendre toutes nos possessions avant de pouvoir se permettre les produits de la chronique. C'est ça devrait répondre là. En début d'émission, juste là, tantôt. Voilà. Plus tard. Et à la toute fin, si on s'y rend, on va pouvoir se rendre avec la chronique XXI Time. On comprend le jeu de mots ici. Se rendre. Hein, Jean-Philippe Charbonneau? Oui, Jean-Philippe Charbonneau. Oui, là. Je me suis rendu. Je pensais l'avoir ouvert tantôt. Mais je pensais l'avoir ouvert. Hey, ça va, toi? Oui, ça va. Oui. Excusez du retard. Non, ben c'est pas grave. T'as vu qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, mettons? Mais à matin, c'est rien. J'ai juste pris ma douche. Ça, c'est un peu plate. Mais il est honnête. Oui, il était. Oui, il nous a pas inventé. Je sais pas, par exemple, une voiture, quelqu'un qui se serait stationné derrière lui pour arriver oui. en retard. C'est faux! Ben oui, hey, les pompiers étaient là. Il y a eu un cratère derrière mon auto. OK. Oh. J'ai plus de pneus. Hein? J'ai plus d'auto. Hein? Je suis venu en téléportation. Ben non! Ben, il a fallu que j'invente la machine. C'est pour ça que c'était long. Mais j'invente rien. J'invente rien. Sauf la machine. Sauf la machine. Ah. Le cratère, c'est pas vrai. Non? C'est une nid de poule. Donc, tiens, on va commencer en te dédiant la pièce des kilomètres. Oh, et pourtant, j'en fais si peu. Mais bon. De Olinéa. Et puis après ça, on revient avec Saint Smith. Ça devrait répondre là. Mm-hmm. Bonne émission. Wouhou! Wouhou! Personne n'a l'air excité autre que moi ce matin. Wouhou! C'est à cause de ton nouveau chandail? Ah, il est beau, hein? Oui, hein? Wow! Mmh. Je peux te montrer un petit peu plus de mon chest en déboutonnant les boutons. Wow! Ouais, wow, wow! C'est wow. Pas tout de suite kinky! Formation Linéa et la pièce des kilomètres. Des kilomètres, dédiée à moi-même, qui n'en a fait même pas un ce matin. Non, mais c'est tout ce que j'ai trouvé sur l'album qui avait un lien semi-cohérent. Ouais, c'était bien, c'était bien. Merci. Sinon, c'était ta plus belle extorsion, mais j'aurais pu faire ta plus belle excursion, comme on l'a dit souvent. Oh. Mais c'est pas ça le titre, hein, c'est non. Juste dans ma tête qu'elle s'appelle demain. Donc, Steph et Jean-Philippe. Oui. Nous-mêmes. Ouais. Est-ce que vous avez un petit peu d'argent de lousse? Pas tout. Dans vos poches, non? Ben oui. Pour Assez pour payer le shipping. De ça existe, mais ça devrait pas, là. C'est ça. Pièce. Je pense que j'ai 25 cents. Ah, ouais, cool. On va se cotiser. Ben oui. Au pire, on met un don pour boire. À la porte. Ah oui, un petit. Notre studio complet est un grand aquarium. Donc, on pourrait domper l'argent dedans. J'attendais le cue pour pouvoir commencer à parler pour vrai. Ça. Ouais. Donc, ça existe, ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique où on vend des choses aux gens. On vous dit quoi acheter. On est comme vos guides spirituels des achats insolites. Hein? Et vous pouvez suivre avec nous sur assemblagerequis.com. J'essaie de détailler le plus possible pour que vous puissiez y aller seulement après la chronique. Là, pas, hein, pour ceux qui sont pas devant un ordinateur. Ceux qui sont dans leur auto avec leurs gros écouteurs Beats by Dr. Dre. Ben oui. Hey. Comme toi t'as fait apparemment hier. Ça a l'air. T'as laissé tes écouteurs dans ton char. Qu'est-ce qu'ils font là? Ben, ils chillent. Ils beats. Donc, tiens, on veut tous un geek dans la vie. Je pense que c'est important d'avoir un geek proche de soi, que ce soit cousin, cousine, frère, sœur, soi-même, pour régler les problèmes d'ordinateur. Si tu te fais taper par quelqu'un, hein, comment faire pour enlever tel virus? Hein? Donc, pourquoi ne pas vous faire pousser un geek? Oh. Ah oui. Donc, c'est la poupée Grow a Geek qui, en quelques minutes, va se transformer en vrai geek. Ben, pas grandeur de nature, là, mais bon. Tu places le mini-geek dans de l'eau et tu le regardes prendre 6 fois sa taille originale. Il commence à 1,75 pouces de haut et ensuite, ben, fois 6. Hein? Je suis pas assez geek pour savoir. En même temps, hein? Einstein is cool. He's a cool dude. Einstein dans What's That All, Yann Englund? Ben, c'est marqué ça sur la boîte. Einstein is a cool dude. C'est vrai qu'il est très, très cool. Très bien coiffé. Donc, et quand vous le laissez sécher, le petit Einstein, il va revenir à sa forme normale. Donc, ça coûte 3$ sur perpetualkid.com. C'est pas cher! Non, et shipping gratuit, si vous commandez pour 75$ et plus, on commandez-vous, ça fait combien de petits geeks, ça? Une dizaine. 25! Une dizaine. Oui. C'est 3 piastres. Ça en prend à 10 pour faire 75, je te jure. Wow! Ensuite... pourquoi pas y aller avec? Attention, ah oui, ça c'est vraiment beau. C'est des, on a tous le problème de vouloir se coucher sur nos jeux vidéo. Mais tu sais, une console Xbox, ça a beau avoir la forme d'un oreiller, mais c'est pas très confortable. Une PS3, ça a la forme de grill pour faire des panini, mais ça fait pas de panini, etc., etc. Donc, une Wii pour être le plus proche d'un coussin. Mais ici, c'est des vrais coussins en forme de cassette de Nintendo. Avec des jeux qui n'existent pas vraiment, mais avec des graphismes sur la cassette qui ressemblent vraiment comme si c'était un vrai jeu. Donc, c'est les Retro Nintendo Cartridge Pillow Set. Et c'est ça mesure 14 pouces par 12 par 3.5. Et c'est les jeux Lava Jump, un genre de jeu d'action, et Unicorn's Revenge. Je veux tellement celui-là avec la licorne. Ben, j'allais même pas te le demander tellement c'était évident, là. Ben là, c'est cool. Mais sérieusement, j'aimerais vraiment ça. Dis la fille habillée toute en noir, avec les cheveux noirs, les écouteurs noirs, et les lunettes noires qui veulent de la couleur. Son mauve et lunettes. Très foncé, hein. Mais son mauve. Oui, je l'accepte, je l'accepte. Donc voilà, c'est des coussins en cartouche de jeux vidéo. Et je veux savoir combien ça coûte. C'est sur thinggeek.com, donc on s'entend que c'est tout le temps de la qualité pour un prix minime avec beaucoup de shipping, 35$. Génial. C'est pas si pire si on s'en commande tout un. Hein? Ça fait 10$. C'est ça. Ah oui, t'as tout raison là-dessus, les maths aujourd'hui. Hein. Donc ensuite, on a chaud bientôt, on va avoir chaud. En tout cas, le début de l'été approche à grands pas. Hein. Je trouve pas qu'ils sont si grands que ça, c'est pas. Mais bon. Ça va arriver du jour au lendemain. Du jour au lendemain. On va avoir besoin de se refroidir un petit peu. Donc, mais normalement, on connaît déjà ces genres de ventilateurs-là où tu peux connecter une hose et puis ça va faire de la brune. La brune. Brune babine, exactement. Mais ici, pas besoin. C'est l'Aura Mist Milo qui est un ventilateur de 18 pouces et qui va relâcher donc de la brune, mais avec de l'eau que tu mets dans son compartiment. Donc, tu mets 2,7 gallons d'eau et tu devrais pouvoir te refroidir pendant 5,4 heures. C'est quand même pas pire, je trouve. Ça peut réduire la température autour jusqu'à 30 degrés Fahrenheit, évidemment. Donc, quand même, 3 vitesses de ventilation et tête qui peut tourner, etc. Tu peux le mettre sec ou mouillé, et si on veut. Et ça coûte 400$. Ah, ouch, oui. 30 degrés Fahrenheit. 400$, c'est combien du Fahrenheit? Je sais pas, mais heureusement que c'est pas des Kelvin. J'aurais été mêlé. Ouais, oui, puis en plus, il y a le mot 20 dans Kelvin, en plus. Kelvin. 30 Kelvin. Mais là, tu passes 20 ou... Sauf pas que la structure ressemble étrangement à un cigoué. À qui? Un cigoué. Ah, le ouais, tu dirais que c'est fait pour se déplacer. Que t'avances, que tu te mets debout, puis ça avance. Puis ouais. Je suis sûr que c'est un aéroglisseur. Peut-être. Peut-être. Ensuite, sur les voitures, on voit tout le temps les autocollants de petites familles. Tu as le père, la mère, ou t'as la mère, la mère, ou t'as la mère, l'enfant et le frère. Et tu sais, t'as tout le temps les gens de la famille comme ça. Donc, ici, c'est à la place des petits autocollants de personnages de Star Wars, n'est-ce pas? Donc, tu peux avoir R2-D2, Exogorth, Tauntaun, Dianoga, je sais pas comment prononcer les autres, Twi'lek, Boosh, Rancor, un paquet de bêtes, des animaux, des robots, des blobs même. Donc, la plupart des personnages de Star Wars, c'est disponible pour 15$. Ça a l'air beau. Je trouve que ce serait original. Je trouve ça magnifique. J'aimerais avoir Jabba the Hutt. Oui. Oui. Et l'autre à côté, c'est qui? C'est Salacious Crumb, une petite miette. Je sais pas. C'est pas son serviteur, genre? Ça se peut. Je me répète à chaque fois que j'en parle, j'ai honte de moi, là. Mais j'ai jamais vu Star Wars, donc... Il va falloir remédier à la situation. Ça se dit geek, hein? Ça se dit geek, c'est même pas capable de regarder Star Wars, hein? Ni Seigneur des Anneaux, hein? Non, ben ça... Moins grave. Non, c'est fantastique, ça, c'est pas science-fiction. Okay. Là, on va être original avec des autocollants de Star Wars, mais on n'aura toujours pas de petite pancarte pour remplacer le Baby on Board, super cliché. Là. On s'entend que Baby on Board, moi, je vois ça sur une auto. La plupart du temps, c'est tout le temps pareil, puis... R2-D2 in on board. Exactement. Ça aurait été malade. Exactement. Baby on board of a chip inside my brain. Ensuite, tu sais, on veut tous s'essuyer quelque part, une fois de temps en temps. Ça arrive, hein, tout le monde a besoin de serviettes. Gaffille, peu importe, c'est peut-être un extraterrestre, il a sûrement besoin d'une. Même un robot aurait besoin d'une serviette. mais on veut les serviettes de geek. Hein? 100% coton lavable à la machine, mettant en vedette ici Doctor Who, Kirby, Star Trek et les frères Mario. Donc sur la première en haut, on voit une serviette rose avec les yeux et les bajoux, le petit sourire de Kirby. C'est vraiment cute. Et là, c'est vraiment la serviette au complet représente Kirby. On ne voit que les yeux, la bouche et les joues. Sur le prochain, on voit la petite maison, comment t'appelles ça, de Doctor Who, la petite cabine téléphonique que tout le monde connaît, mais qu'on sait jamais le nom. Ensuite, t'as un champignon de Mario, t'as une scène de Mario et t'as le petit insigne de Star Trek. C'est vraiment beau. Mais il faut faire attention, je pense qu'avec la serviette de Kirby, il y a des endroits où il faut bien choisir la partie sur la serviette pour s'essuyer d'autres endroits. Ça pourrait être irrespectueux sinon. Mais c'est mon avis. Il y aura toujours le même petit sourire pareil. Oh oui! Oh. Uh-huh. Même s'il y a du sang qui dépasse. Bon. OK, trop loin. Ben voyons. Ouais. Donc voilà, ces serviettes-là coûtent entre 10 et 13 $ sur assemblagerequis.com, entre autres. Ensuite, si vous êtes nerd, un peu comme les Louveteaux, les Scouts, ils ont tous des badges, tu sais, pour, je sais pas, les nœuds, tu sais, le cri de l'orignal, je sais pas, des badges. T'as déjà été Scout, toi. J'ai des Louveteaux, mais ça fait très, très longtemps. Mais si vous êtes nerd, vous aimeriez avoir vous aussi vos propres décorations sur votre chandail, votre channel, mais maintenant, vous pouvez vous acheter votre propre channel. Avec un rabais sur le site, sur assemblagerequis.com, allez voir le lien, mais c'est un chandail avec, dans le fond, il est comme un genre de vert kaki, et dessus, t'as des badges, par exemple, badge Wi-Fi avec un petit iPhone accroché, un badge Pokémon avec une Pokéball accrochée, l'autre, un PC d'accroché, un bloc Lego, un bloc Lego. T'as-tu la machine d'arcade? La manette de Nintendo! Il y a un ordinateur. Oui, puis t'as aussi le petit robot dans Doctor Who et la même cabine téléphonique dont on parlait tantôt. T'as un dé de Donjons et Dragons. Et puis, t'as le symbole de... t'as un paquet d'autres symboles, donc voilà, allez-y. Le vaisseau spatial de Star Wars. C'est quoi le rond avec la petite barre en haut puis en bas? C'est un LOL à l'envers. Un LOL? C'est pour Blam! Ceux qui, pour ceux qui écoutent TVA, ben souvent, puis qui aiment bien gros la comédie boboche. Ah oui, c'est ça. Donc, ça coûte 18,95 $ et allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Ensuite, on veut tous se laver les dents le matin, mais on le fait tous, je pense. La plupart se lavent les dents le matin et le soir. J'espère que vous êtes assez sage. Ben des oui. fois, ça peut arriver que tu oublies. C'est déjà arrivé, on part de la maison, on oublie de se laver les dents. Ça arrive, ça, je suis pas tout seul? Non. Oui, t'es où? Pas moi. Oui, oui, non, jamais, pas moi. Ok, c'est pas clair, mais c'est pas grave. Oui, non, pas moi. Ok. Donc, ici, vous pouvez vous acheter une langue que tu mets sur ta langue et qui possède des petits pics. Et de la pâte à dents intégrée. Non. Oui, intégrée. Donc, vous allez mettre ça sur votre langue et vous allez pouvoir vous brosser les dents à même votre langue. C'est pas génial comme idée, ça. Donc, vous léchez les dents pour vous laver les dents. Le gars veut vraiment trop nous montrer qu'il s'est pas brossé les dents le matin. Ah, tellement. Sur la photo, il est vraiment... Wow. Il a des belles dents. Ça m'écœure un peu. Ben, c'est supposé être jetable. C'est supposé être comme la nouvelle façon de... Un peu comme il y a quelques années, je sais pas si ça existe encore, il y avait un truc qui se mettait dans ton doigt. Oui. Fais-je avec le mouvement ici, beaucoup trop subtil, d'insérer... dans mon doigt. Et tu pouvais te brosser les dents avec ça. Puis là, tout le monde dansait, grosse comédie musicale. Là, là, là, là, je me brosse les dents, loser total. Puis ça marchait pas vraiment, en fait. Pas? Non, j'ai déjà essayé, puis c'était vraiment la cochonnerie. Mais de toute façon, tu mourras pas si tu laves pas les dents une fois là, dans la semaine. Pas obligé de commencer à te mettre le doigt dans la bouche. Mais non, mais ça peut être pratique. Tu sais, si je veux dire, c'est... Ouais. Un rendez-vous d'affaires, une réunion. Moi, c'est ça, juste comme au bureau, puis c'est comme... C'est sûr. Non, c'est pratique. Mais en tout cas, je sais pas. Il y a de quoi faire avec ça, là, mais peut-être pas cette solution-là. Mais ben, en fait, parce que c'est pas très écologique, que c'est jetable aussi à chaque fois. Et ça doit être cher parce que ça a l'air bien fait. C'est du gros plastique. Et, ouais. Ben, c'est ça. C'était ce que t'allais dire. Exactement. Je te vois tes phrases. Excuse-moi, veux-tu la redire? On va couper au montage ma version de la phrase. On va laisser juste la tienne. Ça a l'air cher, puis c'est pas très écologique non plus. Bon point, quelqu'un de sage a dit ça avant. Ouais, je suis sûr. Genre Einstein. Puis faut que t'entraînes plein. Il y a l'England dans Watatata. Faut tout le temps t'en laisses un peu dans l'auto, un peu dans tes poches, parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas oublier de te brosser les dents. Tellement. Il devrait sortir de l'application iPhone ou un skin iPhone que tu pourrais comme mordre. Comme un enfant mordrait là-dedans quand, ouais. quand ses dents commencent à sortir. Tu mordrais ton iPhone, tu sais. Parce que tout autour de l'iPhone de nos jours, ça laverait tes dents, ça le fait. C'était mon lien vers le prochain article. Hein? Vous comprenez, genre. Prochain, c'est un skin pour iPhone avec un tape à mesurer intégré. On a tout le temps besoin de mesurer quelque chose. Il y a des applications iPhone pour mesurer. Vous le savez sûrement, vous pouvez télécharger un genre de tape dans l'iPhone et puis mesurer à peu près. Mais c'est pas très, très efficace. Ici, c'est vraiment un concept, donc on peut pas l'acheter, mais ton iPhone irait là-dedans. Et à l'arrière, t'aurais un tape et t'aurais le bouton pour rembobiner tout ça ou le coincer à la dimension que tu veux. Pas sûr, ça, c'est gros dans la poche. Hein? Ça, c'est comme le double de l'épaisseur d'un iPhone, là, juste leur concept. Je sais pas. Mais admettons que quelqu'un qui a besoin de toujours avoir un galon mesuré sur lui, ça économise l'espace. Ouais, c'est sûr. Mais peut-être qu'à la place, il pourrait faire le skin de la même épaisseur que l'iPhone, mais plus large, et le tape, à place d'être placé en rond, serait placé en genre d'ovale, et le tape pourrait sortir du côté du iPhone. Hein? Oh. Mmh. Hein? Moi, je ferais plus ça. Mais de toute façon, c'est un concept. Ils sont même pas capables de faire quelque chose qui aurait l'air de le fun à utiliser. Ils voulaient juste quelque chose qui était évident que ça allait fonctionner, que c'est possible de le faire, je pense. Mais tu sais, des petits tapes ben minces, là, ça existe aussi. Ça pourrait, tu sais, à la place d'avoir un tape large. Hein? En tout cas, bref, on s'en fâche de détail. Ensuite, on essaie tout le temps de prendre le savon dans les salles de bain ou à la maison avec les petits distributeurs automatisés. Tu sais, que tu passes ta main en dessous, ça fait sortir du savon. C'est plus... comme ça, tu touches pas à ton... Je sais que Stéphanie est complètement contre ça, là. Ben oui. Pourquoi t'es contre ça, déjà? Ben, parce que ça sert à rien. Bon, t'en vas te les laver, tes mains. Ben, c'est ça, le savon va les enlever. Moi, si tu touchais des bactéries... Ouais. Là, le chat passe à côté, puis là, il y a plein de savon, parce que... Ouais. En tout cas. Est-ce qu'il se coiffe en mangeant des bagels, lui aussi? Pourquoi tu me juges? Ah, c'est une anecdote de ce matin, Stéphanie. Elle a fait ses cheveux avec ses bagels dans les mains. C'était des toasts. Des toasts, excusez-moi. Donc, c'est la Joseph One-Handed Sea Pump Soap Dispenser. Et donc, c'est un truc à savon, donc blanc, sur lequel il y a un genre de C, d'où le nom Sea Pump. Là, ça fait un C, mais inversé, dépend de quel bord tu le regardes. En fond, c'est un C. Quand tu le regardes du bord où c'est un C. Hein? S'il tombe, ça devient un N. Oui, c'est ça. Sinon, ça devient un U, exact. Donc, tu mets ta main avec la paume par en haut et tu appuies avec le dos de ta main et le savon sort par en haut du C. Est-ce qu'on se comprend? Tu pèses sur le bas du C, sur la paume. C'est plate un peu, hein? C'est un peu plate. Ben, je vois pas l'intérêt, là. Non, mais le savon, c'est bon. C'est cool. Il est capable de monter dans le C? Ben, apparemment. Hein. Il me semble que c'est mince. 20 c'est mince. Livres. Ouais. Ça a l'air mince aussi, j'avoue. Oui. Mais bon. En tout cas, j'aurais pu l'enlever, ça, là. Ensuite, tiens, on veut tous avoir du son partout dans toutes les pièces. Et souvent, on va acheter des petits gadgets, par exemple le AirPort Express là, de Apple, où tu peux commencer à redistribuer ton son. Par exemple, mettons ton iTunes joue dans ta chambre à coucher, dans ton ordinateur, et tu l'envoies par Wi-Fi dans ton AirPort Express qui est en bas dans la cuisine. Tes haut-parleurs sont branchés là-dessus et ça joue ta musique. Mm-hmm. C'est cool. Ici, c'est une lampe, OK, avec un haut-parleur intégré. Oh! Aha! Donc, produit très innovateur, l'Invisible Speaker. Ça se branche dans n'importe quelle prise de lampe. Donc, c'est vraiment juste le gadget qui va entre en haut de la lampe et entre l'ampoule et la lampe, si on veut. Donc, il y a une station, pareil comme le AirPort Express de 2,4 GHz, qu'on peut le placer jusqu'à 200 pieds de distance. Tu branches la station dans ta source de musique et le haut-parleur va utiliser l'amplificateur de 25 watts à l'intérieur et un driver de 3 pouces. OK, je suis pas un gars de son quand ça paraît. Hein? Pour vous donner un son très clair, sans fils additionnels ou sans haut-parleur visible. Tout ça vient avec une télécommande, on peut contrôler jusqu'à 4 haut-parleurs et en plus allumer ou éteindre la lumière à distance parce que ça remplace, ça vient entre les deux. Ça coûte seulement 200$. C'est vraiment cool. Je suis un Michael Schlemmer. Oui, c'est vraiment génial. C'est un peu cher, mais c'est cool. Pour vrai, tu sais, le AirPort Express va vous coûter beaucoup moins cher et vous allez pouvoir choisir vos haut-parleurs. Mm-hmm. Mais tu sais. Juste que les gens arrivent chez nous et cherchent la provenance de la musique, moi, ça rembourserait. Est-ce que la lumière, elle bouge en fonction du beat? Ah, stroboscope, toi? Oui. Ce serait génial. Non, mais je pense pas. Ah. Ensuite, façon de pixeliser votre téléphone. Vous savez, le 8-bit, le rétro, la mode de 1990 est moins et très à la mode. La mode est très à la mode, c'est ça que ça veut dire, ma phrase, finalement. Ici, c'est un skin pour iPhone, encore une fois, et qui donne un look pixelisé. Donc, tu sais, les pixels, c'est des petits points, ben, des gros points quand même dans ce cas-ci. Et ça va faire que votre téléphone va avoir les coins coupés. Il va avoir à l'arrière une pomme en forme avec des petits pixels. C'est un peu difficile à expliquer comme ça à la radio, mais pour ceux qui connaissent un petit peu le 8-bit, là, ben, c'est ce genre d'idée-là. C'est intéressant. Donc, intéressant. Kiwi, c'est le 8-bit bumper par Mike Mac pour iPhone 4, 4S et 5. Moi, je trouve ça magnifique. 32$, j'en veux deux. Fait que 64 pour chaque côté. Oui, et un noir et un blanc. Mm-hmm. C'est ça. J'adore. Ensuite, on a tous besoin, une fois de temps en temps, de séparer les écouteurs, par exemple, pour pas déranger les autres. On branche le petit splitter, chacun son écouteur, on branche là-dedans, puis on branche dans la prise auxiliaire, ou bon, puis on écoute de la musique. Mais c'est tellement plate, des fois, le design de ça, c'est il est ici, c'est le Rocker Headphone Splitter. Rocker, qui fait un signe de rock avec l'index et le petit doigt. J'avais même pas remarqué. Ouais, et tu branches la portion main dans la prise et les deux paires d'écouteurs dans les deux doigts. Parce qu'en fait, une fois avant que tu te rendes compte qu'il fait vraiment un signe de rocker, tu fais comme c'est vraiment laid. Ouais. Puis là, tu fais comme, oh, OK, ça peut être peut-être intéressant. On dirait un sifflet. Tu trouves pas? Oui, ouais, c'est vrai. Exactement, un sifflet à deux essieux. À deux essieux. Mon splitter, il est plus beau que ça. Mais il y a combien d'essieux? 5 essieux. Wow! Ouais, c'est un Belkin vert et blanc. Ah, il est beau. Très efficace et très joli. Très cher aussi. Non? Pas plus que ça. Pas plus que ça. On a besoin de boire du jus dans la vie, surtout des jus d'agrumes. Vous savez que c'est bon pour vous, rempli de vitamine C, n'est-ce pas, Steph? Hein? C'est ça, vitamine C? Oui. Sûrement. donc ici, c'est une bouteille avec un juicer intégré. Juicer, integrated juicer. Et c'est le Zing Anything Citrus Zinger. Une bouteille d'eau avec donc juicer intégré. C'est le bas de la bouteille se dévisse pour révéler un juicer intégré. Donc, tu places ton agrume là-dessus, tu twists, le jus tombe dans ta bouteille et ensuite, tu peux ajouter donc de l'infusion. De fruits à ton nom, par exemple. Hein? Et après, tu revisses le dessous, tu la vires de bord et tu bois. Pas d'additifs, pas de préservatifs, d'agents de conservation, de saveur artificielle. Aucun préservatif. C'est pour ça que j'ai changé mon mot en cours de route. Aucun agent de conservation. Donc, c'est du plastique sans BPA et puis une base en caoutchouc. Ça vient en vert ou en orange et vous pouvez faire n'importe quelle agrume avec ça. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est hot. Très hot. C'est la nouvelle mode apparemment de se mettre de la bouffe dans les cheveux. Stéphanie, on connaissait que ta tosse à la margarine et ton fer à cheveux. Hein? Oui, bien sûr. C'est drôle que cet article-là tombe dans la chronique où tu viens juste de parler de tes cheveux. Ben oui. C'est drôle. Hein? Donc, on peut avoir maintenant des frites au ketchup dans les cheveux, du bacon et un paquet d'autres choses. Donc, c'est vraiment une compagnie japonaise. C'est une boucle en bacon. Exactement. C'est beau. C'est exactement ça. Regarde le dernier. OK, attends un peu, je t'ai parlé... Ah! C'est quoi ça? C'est comme une omelette des œufs brouillés avec du ketchup. Du ketchup, c'est ça là, il est dégueulasse. Mais en tout cas, bref, c'est des genres de comme tu as dit, des petites pinces ou barrettes ou trucs que tu mets dans... Mais pas de barrettes. C'est une pince. Une pince, oh. OK. OK, excuse-moi. Ah, c'est celui que tu fais dire. Excuse-moi, Bob Épine, rouleau à cheveux. Mais tu mets dans tes cheveux et puis c'est vraiment laid. Donc, allez voir ça. Ah, pour c'est... le fun, il n'y a pas de prix, hein? Oh. Non, je sais. Ça, c'est dommage. Dans une banque, c'est bien pratique de pouvoir mettre de l'argent, mais il y a de moins en moins de pièces de monnaie. T'sais, on n'a plus d'une scène. C'est pas mal ça, finalement. Il reste encore pas mal de scènes, finalement, de 25 cents. Honnêtement, moi, quand j'ai des pièces, des 2 pièces, même les 25 cents, je les mets jamais dans ma petite banque parce que tu peux t'en servir à tous les jours. Donc, ouais. La banque sert juste pour les 5 cents et les 10 cents. C'est exactement la même chose que je pense que la plupart des gens font. Les 5 cents et les 10 cents sont toujours les pièces que tu gardes pour faire des rouleaux plus tard qui vont donner quelque chose, qui vont avoir une utilité. Parce que ça sert absolument à rien. Exactement. Gouvernement, une scène, OK, merci, là, mais ça pourrait commencer à 25 cents facilement. Oui. Facilement. Mais bon. Mais par contre, ce qu'on aimerait faire peut-être des fois, pour ceux qui n'ont pas nécessairement un compte de débit ou quelque chose comme ça, et qui ne font pas leur retrait d'argent facilement, tu sais, à chaque mois, tu peux comme te faire retirer 10 piastres pour le mettre sur un compte d'épargne. À la place, tu veux garder tes billets d'argent dans une banque. Donc, c'est une banque qui s'appelle Billosaur. Ça ressemble un petit peu à un dinosaure de sa forme. En fait, moi, je trouve que ça ressemble plus à un œuf. J'aurais appelé ça le Bill Egg, Egg Bill, quelque chose comme ça. Mais avec des fentes et des bouchons de liège dans chaque fente. Et quand tu veux mettre des billets d'argent, t'enlèves un bouchon, tu mets ton billet dedans en le roulant, comme tu ferais de la drogue avec. Comme ça, tu mets ton bouchon. C'est cool, non? B.B. Billosaur, le nom de la banque, non? Pardon? Ben, c'est cute, mais... Ça fait j'ai un compte en banque, là. Ben, c'est pour ça que je disais, c'est tellement facile à faire avec le forwarding d'argent. Sur. Mais bon. Pour faire vraiment ton frais, tu mets juste des 100 piastres dedans. Ben oui. Là, tu reçois de la visite, puis là, après ça, t'as plus rien. Ça. Donc, dans le fond, ce que tu veux que je fasse, c'est que j'aille sur mon compte en banque, que je me retire de l'argent sur ma carte de Visa. Oui. Donc, que je me fasse des billets avec, oui. Que je les mets dans ma banque. Oui. Que je me suis endetté de 5000 piastres, puis je paye des intérêts. Mais c'est une œuvre d'art. Mais c'est une œuvre d'art. Exactement. C'est bon? Exactement. Bonne idée. Il nous en reste 3 à faire. Celui-là est vraiment fantastique et j'en veux un, c'est certain. Vous allez commencer peut-être à le voir à un moment donné parce que ça peut pas ne pas devenir populaire. Ça peut pas ne pas. Ça peut pas ne pas. Ça peut pas. Donc, ça s'appelle le Rolly Eggmaster. Pour déjeuner, on veut tous manger des œufs. Tu sais, des œufs, on mange une fois par semaine ou une fois par 2 semaines. C'est pas assez. C'est bon, les œufs. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. C'est bon pour nous autres. Mais c'est dur à faire. Faut commencer à sortir la poêle. Mettre de l'huile dans le fond, faire tes œufs, laver à la poêle. Attends une minute, là. Tu mets de l'huile dans tes œufs? Je pense que je suis plus sûr. C'est pas moi qui l'ai fait. Donc, le Rolly Eggmaster, c'est quelque chose qu'on pourrait même utiliser au bureau tellement c'est simple. Donc, tu peux manger ton œuf sur un bâton et un paquet d'autres façons de faire. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ton œuf dans le contenant cylindrique. non collant. Tu appuies sur un bouton et un peu comme un toaster, ton œuf va sortir. Yeah. Et après ça, tu plantes un bâton dedans. Tu manges un pot spécule aux œufs. Un pot spécule. Oui. Je pourrais peut-être mettre des cornichons dedans, ça ferait vraiment un post piquant. Mais tu peux faire autre chose que des œufs avec oui, ça? Oui, tu peux faire des petits taquitos. Tu peux faire des petits trucs comme quoi? Ça, des affaires avec la viande puis la pâte, là. Tu sais, comme il y a des dépanneurs à cette heure. Des hot dogs. En tout cas, c'est ce que je vois, ça ressemble à ça. Sinon, je pense qu'il y a peut-être des saucisses, en tout cas. Mais dans la machine, si vous regardez à la fin, c'est tellement phallique. Mais comment ça fait pour sortir? Ah, mais ça, c'est de la magie, hein. Hey, en plus, l'infopub commence par le cliché du noir et blanc. Oui. Avec quelqu'un qui lave la vaisselle. Oh, j'aime ça, j'aime puis, ça. Regarde à quel point il y a juste 3 œufs dans sa poêle. Ouais. Puis il doit en avoir 50 de pété. Mais oui, il est donc bien cochon. Il y a des œufs partout. Mais allez-vous continuer de regarder l'affaire? Comment c'est génial, les œufs roulés. Oui. Pas de beurre, pas de gras, pas de dégâts. Ben, je m'excuse, mais dans ma poêle, moi, elle colle pas, là. J'ai pas de gras là-dedans. Mais tout est fancy, là, puis tu payes des poêles à 10 piastres en spécial. À 10 piastres en spécial. Tabarnouche, on s'en laisse à faire. Donc, ici, là, vous voyez vraiment qu'on peut se servir de ces affaires-là comme pour faire des quasiment pogo, là. On voit les gens tremper leurs œufs sur bâton dans du ketchup. Je trouve ça fantastique. C'est des omelettes. Technologie de cuisson verticale dans un tuyau qui fait sortir ça. Alors, c'est beau. Vous allez voir ça chez Canadian Tire dans 2 mois, sûrement, mais. Je vous en parle avant tout le monde, j'espère. Ah, oh, hey, il y a même une petite reconstitution. Là. Il montre le petit en dessin, comment oui, ça se passe à l'intérieur. C'est beau. Hein? C'est un budget bien dépensé sur une composition 3D, animation 3D. Tiens, d'ailleurs, si vous laissez votre enfant manger un œuf avec un bâton, ben, peut-être qu'un bébé, vous pouvez laisser faire le bâton. Je vous dirais, genre, enlever le bâton à la fin. Mais bref, ici, votre enfant pourrait faire des dégâts avec son ketchup et ses œufs. Donc, faites-lui porter une bavette qui s'appelle... en fait, c'est la Goo Period Vincent Van Bibb. Hein? C'est un cadre dessiné sur la bavette et en dessous, c'est marqué The Goo Period, donc la période où il y avait des dégâts. C'est bon. Donc, votre enfant va pouvoir s'essuyer les mains, renverser du jello. Je sais pas qu'est-ce que ça mange des enfants. Je connais pas ça. De la bouffe à chat, je sais pas. Et puis, ça va tout finir dans le petit cadre. C'est bon. Mais, hein? Oui, mais comment, il dépasse même pas du cadre. Non. C'est vrai qu'il est très, très bon, le bébé. Hein? C'est comme si ça avait été fait par quelqu'un d'autre. Mais c'est lui-même. Ça, c'est vraiment cochonné, mais à l'intérieur du cadre. Ça dépasse même pas dans le cadre en tant que tel. C'est juste le blanc. Du... OK. Puis étonnamment, ses mains sont propres. Oui, mais ils en ont mis sur sa bouche pour que ça ait l'air vrai. Donc, 7$ pour votre propre Vincent Van Bibb Goo Period. Et finalement, mon préféré de cette semaine, et que j'aimerais donc pouvoir me permettre ça, c'est, tu sais, on aime tous les chaises berçantes. Moi, ça fait vraiment longtemps que je me suis passé sur une chaise berçante. C'est vrai, hein? Mais les grands-parents ont tous ça. Un lazy boy, ça compte pas, c'est pas une chaise berçante. Une chaise berçante, c'est une chaise, puis ça barce. Hein? Non, l'autre, c'est un fauteuil berçant. C'est exact. Ou une causeuse berçante, ou je sais pas. Bref. Une chaise berçante, c'est bien confortable, c'est super le fun. Un banc berçant, avez-vous déjà entendu parler de ça? Ben non. Ben non. Non! Ben non! Tu noterais les noms d'épisodes. Je le fais tellement. Merci, parfait. Donc, c'est un genre de petit banc sur Kickstarter. Donc, vous pouvez mettre de l'argent là-dedans. Et si ils se rendent à leur but, ça va peut-être un jour être fait. Et allons voir s'ils sont rendus proches de là. Attention. 350 personnes ont misé 13 324 sur 25 000. Il reste encore 16 jours. Ça pourrait arriver. Et donc, c'est un banc minimaliste. Et vous pouvez voir sur la vidéo comment ça se balance, tout ça. Et en plus, c'est que les noms des chaises sont Soft Rock, Hard Rock et Easy Rock. Comme les styles de musique des radios commerciales. Mais je regarde ça, puis je me casserais la gueule avec ce banc-là. Pas t'es trop loin derrière. Hein? Ouais. Ni devant. Ni devant. Mais bon, faut chacun ses talents hein, si tu penses pas être capable de faire ça. Comme pour toi. Hein? Non, probablement pas. Donc, environ 60$ sur le projet Kickstarter, sans savoir si ça va vraiment se rendre jusqu'à la production. Et voilà pour Sam Smith, ça devrait pas, on l'a. Ouais, un peu long, mais... Intéressant. Hein, Steph? Toujours. On a tout cotisé nos petits 25 cents, puis on a tout acheté un. Oui, juste un le shipping. Le shipping de chaque. Oui, c'est ça. Ils vont nous envoyer de l'air. Dans quelques minutes, Stéphanie Paradis et la chronique Les Petits Bonheurs. Oui. On parle d'émission jeunesse, mais pour l'instant, on prend une pause. Des extrêmes, ça nous anime. C-F-O-U. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. C'est toujours Assemblage requis, il est 7h38. Toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui, toujours avec Mathieu Plante. Et David Ferron qui vient d'arriver, qui est déjà stressant. Il vient juste d'arriver puis commence à claquer de même. On n'entend pas, hein? Ah! Il y a déjà assez de bruit dehors, David Ferron. Ben oui, moi j'essaie de donner des petites instructions toutes sympathiques pour ma chronique, puis j'entends juste comme ta-ta-ta-ta-ta-ta, puis... Imitation parfaite de David Ferron. Donc, Stéphanie Paradis, voici les petits bonheurs. Bonjour Stéphanie Paradis! Bonjour Mathieu Plante! Les petits bonheurs! Aux deux semaines! Oui. On est tellement excités quand ça arrive! David Ferron est arrive, arrive, arrive, arrive, arrive! Je sais pas s'il fait ça quand il dort, hein? Je sais pas. Ah, ça doit être ronfler. Tu l'as mieux que moi, je pense. On dirait un chat, finalement. David, voilà, on dirait un plugué. Chat. C'est vrai. Tu voulais plugger le mot chat? Voilà. D'accord. Donc, Steph, Char revient pas. Char revient pas, dit David Ferron, en nous faisant encore plus attendre pour que ta chronique commence vraiment. Oh, c'est lui le pire, il va commencer plus tard. Hein? Bah, moi, on entend ma petite toune de fond pendant ce temps-là, puis je suis de bonne humeur. Donc, aujourd'hui, on parle d'émissions jeunesse. Oui, les petits bonheurs de nos émissions jeunesse. Donc, moi, personnellement, je suis du genre nostalgique, tout particulièrement quand je parle de mes émissions jeunesse à moi. Donc, quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup la télévision, principalement Canal Famille. Donc, j'en parlais justement avec Mathieu à quand Vrac TV rétro. Oui, à quand? Parce que c'est la mode tellement en ce moment, le rétro des années 90. Le fluo est de retour à la mode, les petits bracelets Snap, les Tamagotchi sont revenus sur Android. Et il y a Télétoon rétro, pourquoi pas Vrac TV? Et c'est une des chaînes qui fonctionne le mieux sur le câble payant au Canada. Je vais renseigner là-dessus. Ah, c'est vraiment ouais. Très, très, très, très populaire et en français et en anglais. Ils ont deux chaînes Télétoon rétro. Et quand vrai, même. Vrai qu'il y en a combien de chaînes rétro? Attends un peu que je compte sur mes doigts. Zéro. Ouais. Puis honnêtement, je serais syntonisé là-dessus 24 heures sur 24. Exact. Je me réabonnerais même au câble pour avoir Vrac TV rétro. Wow. Il pourrait faire rien. Aux États-Unis, TV Land, qui est une chaîne qui passe des sitcoms rétro, diffuse aussi des blocs de publicité rétro. Donc Vrac TV pourrait vraiment prendre le créneau de tout ce qui était Canal Famille avant. Mais c'est ça que je me disais. Ça serait cool, tu sais, vraiment une programmation type du début des années 90 avec, tu sais, le même ordre d'émission. Dans le même ordre. Oui. Faites des blocs thématiques genre en 91, c'était dans cet ordre-là les soirs de semaine. Il y a plein d'idées à avoir. Il y en a plein d'idées. Canal rétro, canal rétro. On va vous en faire rétro. Une programmation. On travaille là-dessus, Steph, puis on se fait vraiment une programmation, puis on leur envoie ça comme soumission. Ben oui, pourquoi pas? On va peut-être devenir riche un jour. Peut-être. Donc, t'as peu. Non, peut-être pas en tout. Bon, Je peux continuer de dire des niaiseries si tu veux, mais non, je sais pas. Ah, OK. Non, mais vous mêlez toutes, là, vous. On participe trop, ça, tu vois? Non, c'est juste que je sais plus ce que je suis rendue. Donc, ce matin, j'ai décidé de nous replonger dans les années 90. Donc, peut-être que certaines de ces émissions n'auront pas marqué votre enfance, étant donné des fois les différences d'âge et de sexe, mais vous reconnaîtrez certainement plusieurs de mes coups de cœur. Oh. Donc, on va commencer avec le premier. Évidemment, donc, il faut les deviner, c'est ça. Ça va être facile. Petite automobile, ville. David sort sur sa chaise. Tu parais si fragile, Gilles. Sous ton drôle de capot. Attention. Boum-boum-boum-boum-boum-boum-boum. Tes deux amis fidèles, d'elle. Se raccrochent à tes ailes, zèle. Pour pas tomber de haut. Boum-boum-boum-boum-boum. Chacun son tour. Quand tu respires une fleur, ça fait boum boum dans ton cœur. Tu affoles tes mécaniques et tu deviens bonbon magique. Bonbon, bonbon. De campagne en colline, line. Tu roulais de dandine, dine. Sans jouer les héros. Nouvelle, belle, belle. Le tout dernier modèle, belle, belle. La plus belle des autos. Boum, boum, boum, boum, boum. Boum, boum, boum, boum, boum. Hey, j'en viens pas qu'à l'époque, les chansons d'intro duraient 1 minute 20, ça n'a aucun sens. J'en ai trouvé une, OK? L'émission Chaboum, la toune d'intro dure 2 minutes quelques secondes. Ah, c'est vraiment très long. Mais c'est tout ce que je me souviens, c'était de l'intro. On dirait que j'ai jamais écouté le reste de l'émission. Parce que c'est le quoi reste, ça, Chaboum, déjà? Ça, c'est vraiment vieux. Ça a fini en 90. Il y avait Élise Marquis là-dedans. Il était 4 chats. Puis... pour vrai, je ne me souvenais pas du tout du titre de l'émission, mais quand j'ai regardé l'intro, tout de suite, ça l'a popé dans ma tête. Ça fait boum! Ça fait chaboum! Ah oui, je m'en rappelle. Il y a comme plein d'enfants qui se matérialisent un peu partout, puis ils font une boum de chat avec des enfants. Un gangbang de chat. En tout cas. Mon enfant, c'est terminé. Tu gâches toute la naïveté de la chronique. Oh, bonjour les enfants! Ça va bien! comme vous l'avez peut-être deviné, c'était Bumbo. Donc, Bumbo a été créé en 1985 par Eiji Okabe et Kenjiro Yoshida. Évidemment, des Québécois. Donc, ils travaillaient pour Sinor. Et qui ont aussi travaillé sur Madame Pepper Pot. Ah, ça, je me rappelle ouais, aussi. Oui, la petite madame avec sa cuillère. Oui. Donc, ça a été importé en France en 1987. J'ai pas trouvé la date pour le Québec. 4-5 ans plus tard. Ben non, parce que je l'écoutais probablement à l'époque. Donc, il y a eu 130 épisodes de 10 minutes. Donc, Bumbo est une série télévisée d'animation japonaise, comme vous l'avez peut-être deviné en entendant le nom des créateurs. Et Bumbo est une petite automobile, Bill, qui paraît si fragile, Gilles, sous son drôle de capot. Donc, cette petite voiture jaune est née dans un œuf. Elle a des yeux et une panoplie d'émotions. Sa rencontre avec un petit garçon, Ken, et son chien Monsieur va lui permettre de tracer sa route. Partie à la recherche des parents de Bumbo, toute la bande parcourt le monde. Au gré de leurs étapes, les compagnons croiseront en chemin des congénères d'autres véhicules malicieux, comme de chantier, voitures anciennes, sportives. Et à leur trousse, un professeur à moustache espère bien mettre la main sur Bumbo et faire fortune. Moi, quand j'étais toute petite, j'aimais beaucoup cette petite voiture si mignonne. J'aimais beaucoup regarder le générique de fin. Parce qu'il y avait tout le temps plein d'automobiles dans le genre de Bumbo, puis ça m'intriguait vraiment beaucoup. Les autres membres de sa famille voiturienne? Ben non, on les voit jamais dans l'émission, mais t'as tout le temps comme une espèce de Tonka, puis un camion de pompier, une voiture sport, mais... C'est pas très réaliste côté permis de conduire à cet âge-là, par exemple. Pourquoi? Ouais, mais dans le temps, il n'y avait pas de permis. Ah, c'est comme le Far West. C'est au Japon. Ah, ouais. Au Japon, OK. Tu peux conduire une voiture à 5 ans là-bas. Donc, pour vrai, Bumbo, j'étais très, très, très, très grande fan. Non. Oui. On peut passer à la prochaine. OK. On devine encore une fois la prochaine chanson thème. J'essaie d'être plus participatif. Oui, oui. De imiter la... Ah, ben wow, il a l'air vraiment d'un vrai en plus. Bibi, c'est Bibi 44XX, allô? C'est Z99944X est ici. Il y a trop de chiffres et de lettres, ça marche pas. Mais ça, c'était la chanson thème de fin, parce que j'ai des paroles sur la vraie chanson non, thème, en fait, non? Ça, c'est la chanson de la première saison. Oh. Les paroles sont arrivées à partir de la deuxième saison, mais il n'y avait pas de... J'ai pas trouvé de version d'assez bonne qualité. Puis après, il y avait Maya, Maya et Bibi, mais Bibi et Maya, après. Bibi et Maya. La deuxième version, c'était Maya, le nom de la fille? C'était Zoé, Bibi et Zoé. Oui, mais Bibi et Zoé, ça, c'est la version Trash. Française. Ah, je savais même pas ça. Ça joue au Québec, par exemple. Ça se peut. Et aux États-Unis, c'était BB and Jennifer. Oh, Jennifer. Jennifer. Jennifer. Hey, Jessica. Oh. Donc, la diffusion originale à Canal Famille est de 1988 à 1994 avec Michel Ledoux dans le rôle de BB et Sophie Dansereau dans le rôle de Geneviève. Il y a eu 600 épisodes de 15 minutes. Donc, c'est, je pense que c'est 6 wow. saisons de BB et Geneviève. Donc, BB-Z99944X, un extraterrestre en provenance de la planète XY100Z. Ils ont tiré des lettres, des chiffres ouais, dans un ça. Chapeau. A atterri dans l'atelier de Geneviève, une dessinatrice, afin de faire un stage sur la planète Terre. Dès le début de la série, Geneviève accepte d'héberger Bibi dans son appartement. Tu sens trop se poser de questions. Bibi était un extraterrestre très curieux qui posait toujours plein de questions à son amie Geneviève. Bibi avait la capacité d'enregistrer tout ce qu'il apprenait dans sa mémoire tinapellée. Je me souviens pas comment qu'il prononçait. Pour vrai, je me souvenais pas de on ça. On dirait une du joueuse tout. De tennis ou de soccer. Tinapellée. Tinapellée. Oh. Et de plus, il était un excellent imitateur de personnages. Oui. Et à chaque épisode, s'ajoutait une partie concours. Donc, à la fin, c'était Bibi, Geneviève et vous. Donc, dans cette section-là, les enfants envoyaient leurs dessins à l'émission et pouvaient les voir piger au concours. L'émission était également coupée par des petits dessins animés, mais ça, personnellement, moi, je m'en rappelle pas. Non, moi non plus. Je sais pas si après, ça a été rediffusé sans les dessins animés, genre. De... Peut-être, peut-être. C'est pas impossible. Et mais je me rappelle, par contre, qu'ils ont déjà tiré au sort mon dessin et qu'ils l'avaient montré à la télé. Wow. C'était vraiment... un moment de pur bonheur dans mon enfance. Ça? Ben non, parce que je savais pas qu'il allait montrer ça. De toute façon, j'avais quel âge, tu penses? Je devais avoir 4 ans, 5 ans. Puis il va avoir un délai assez raisonnable entre quand t'envoies ton dessin et quand il monte à la télé. Je pourrais pas te dire, honnêtement, la notion du temps à 4 ans, c'est assez moyen, là. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai vu, ils ont montré mon dessin. Tu sais, Bibi a dit mon nom. C'était comme, wow, c'est surréel. Mais là, après ça, une fois que c'était terminé, je suis montée comme réveiller mon père. Je fais, ils ont montré mon dessin. Puis là, il était un peu fâché parce que je l'avais pas réveillé avant. Ah, mais c'est comme, mais non, mais j'étais là, je voulais pas le manquer. Mais c'était la raison. Ce qu'il voulait, c'était que tu écoutes l'émission à tous les jours et que tu l'enregistres à tous les jours. C'était ça. Ah, il aurait fallu, hein. J'aurais pu avoir ça sur cassette aujourd'hui. Tabarouette. Et pour terminer avec Bibi Geneviève, j'ai un petit fait quand même étonnant. Saviez-vous que Bibi Geneviève a été diffusée dans 54 pays? Ouais. La version québécoise, là. Doublée? Donc, c'est y a eu beaucoup de pays francophones, mais c'était doublé dans plusieurs langues. Donc, tantôt, je vais vous donner un lien où il y a eu des entrevues avec Bibi et Geneviève, avec les comédiens, bien entendu. Et il montre un extrait, je pense que c'était en Hollande, de Bibi et Geneviève en Hollande. C'est vraiment, vraiment bizarre. C'est très drôle. Donc, Mathieu, paye sur le piton pour la prochaine. On m'appelle Manon dans le domaine. Oui, Manon, paye sur tes pitons. Prochain thème. T'avais texté. Je vais faire de ma journée. Oh, je veux sauter du bout des pieds. Je veux danser. Je veux m'amuser. Tu veux pirouette, hop, hop, et chausille. Je suis enchantée, je suis enchantée. Je touche mes jambes, mes genoux, mes pieds. Je fais la grenouille. Je suis mini-fond. Tu vas voir, c'est amusant. De jouer et de sautiller tout le temps. Viens danser dans ton forme. Viens danser dans ton forme. Il y en a qui a de meilleure voix que l'autre là-dedans. Élise Marquis n'est pas la meilleure chanteuse du monde. Ben, fait une pareille. Ouais. C'est pour enfants. Oui, c'est pour enfants et David Ferron qui, je pense, écoute encore ça tous les jours en fanforme. Ah oh, ouais, c'est incroyable. Donc, en fanforme, la diffusion originale à Canal Famille est de 1991 à 1992. Juste un an et quelques? Mais la diffusion originale, mais il y a eu plein de reprises. Et oui, c'était racheté aussi à TQS. Donc, ça a passé beaucoup. Bibi Geneviève aussi, ça a passé à TQS. Il y a beaucoup d'émissions qui ont été rachetées. Je ne savais à TQS. Pas ça. Eh ben. Moi non plus, je ne savais pas ça avant de voir renseigné. Ça. Yeah. Ouais, c'est ça. Donc, oui, 1991 à 1992, animé par Élise Marquis et Joël Legendre, il y a eu 65 épisodes de 14 minutes. C'est pas beaucoup. Elles sont vous... toutes pareilles, de toute façon. Ben, on a l'impression que c'est toutes pareilles parce qu'on les a vues tellement souvent. Ben, c'est un décor avec une caméra pas mal tout à fait séparée. Mais saviez-vous que ça a été tourné dans une seule semaine? Les 65 épisodes, ben c'était non! C'était tourné en une semaine. Wow! Ils ont gagné combien pour ça? Une ou deux semaines, peut-être. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment incroyable. Tu sais, je veux dire, c'est sur une dizaine de jours, je trouve ça assez... C'est pas beaucoup pour deux comédiens. Tu sais, eux autres, ça a pas... ça, tu sais, 10 jours dans leur vie... Non, mais 10 jours dans leur vie, c'est rien. Puis nous autres, ça nous a marqués pour le reste de nos jours. Ouais. C'est nos héros. C'est une génération complète qui était marquée pour 10 jours de travail. Une émission qui a passé pendant 9 ans à la télé. Ouais. Là, c'est assez... wow. Ça, c'est rentable. Oui, effectivement. Donc, nos deux autres, est-ce que vous vous souvenez des noms des personnages? Non, c'est Joël Legendre. Chloé et Pélo. Ah! Chloé et Pélo. Donc, ils amenaient les enfants dans un monde de danse, de musique, de chansons originales avec des thèmes de santé, d'exercice et de connaissance de leur corps. Les émissions sont divisées en 4 parties. Donc, les réchauffements en s'inventant un monde imaginaire. Ensuite, 6 minutes d'exercice suivies par une période de relaxation. Et finalement, une rubrique santé. Oui, OK. Bon, vous souvenez-vous du petit bonhomme à la fin qui... Tu sais, dans le générique, là... Le qui, soleil, quoi, non? Ouais, ben, c'était comme un soleil avec des petites jambes, là. Ben, tu sais, il pliait, puis il dépliait comme de plus en plus vite. Qui a jamais essayé de suivre le petit bonhomme? Le beat. Tout le monde a fait ça, puis on s'est tout rendu compte qu'on n'était pas capable, là. C'était wow! Ben, peut-être qu'après 65 épisodes... Là, tu seras capable. Non, parce que j'ai essayé au moins les 65 épisodes. Je peux pas croire que ces émissions-là sont même pas sur DVD. Je veux dire, on attend quoi pour faire ces affaires-là? En fouillant, j'ai trouvé que Enfant en forme est disponible pour soit les établissements scolaires et tout ça. On peut acheter le DVD. Je pense que c'est quand même... je pense que c'est 100$. Mais c'est pour les établissements scolaires, donc... Ils continuent à faire de l'argent avec nous autres. Ben, oui. En tout cas, moi, quand je voyais Enfant en forme qui commençait, j'étais surexcitée, un peu comme David Ferron pendant l'introduction. Donc, moi, je prenais ma doudou, je l'étendais dans le milieu du salon parce que j'avais peur de toucher au plancher. Là, il y avait des crocodiles puis tout ça, mais ça, c'est une autre histoire de mes peurs d'enfance. Les petits bonheurs de mon trouble obsessif compulsif. Exactement. Donc, je mettais ma doudou en plein milieu du salon et je suivais religieusement tous les exercices sans, bien entendu, dépasser ma doudou pour pas me faire manger les orteils. je sais pas si vous vous rappelez aussi le début de l'émission quand il fallait ouvrir la porte imaginaire. Oui, là, les poignées. Ça, c'est l'inspiration de Normand Lamour. Les poignées de part, la poignée de part. Non? Ben, oui, peut-être. Oui, peut-être. C'est peut-être un. Regarde, c'est en fanfare. C'est en fanfare. Lui, il s'appelait pas Pélo, mais Pédo. Ah! Paul O'Toole. Paul O'Toole. Malaise. C'est bien frais, ça. Sur la rue Tabaga, près du boulevard Ricel, à l'abri des gratte-ciel, devine qui j'ai vu. Qui t'a vu? Qui t'a vu? Deux gamins, deux petits chiens, un gardien au jardin zoologique. Zoologique! Un grand chef cuisinier, un annonceur téléperfectionniste. Perfectionniste! Une dame sympathique dans une clinique d'esthétique. D'esthétique. Sur la rue Tabaga, près du boulevard Essel, à l'abri des gratte-ciels, gentil petit bouchou, petit bouchou, petit bouchou, veux-tu te joindre à nous? Oui. Gros câlin, gros bisous. Ah, c'était moi. Oh. Oh, hey, je me retenais, là, je les connais tellement toutes par cœur encore, là. C'est fou. Là. David, il danse dessus puis il se pète la tête sur le micro, puis c'est bien drôle à voir. Que j'aimerais ça que les gens puissent voir ça. Oh. Arrête de m'intimider. Je t'intimide pas, c'est toi qui t'intimides. Oh mon Dieu. Donc, sur la rue Tabaga, la diffusion originale à Canal Famille est de 1989 à 1995. Il y a eu 156 épisodes de 15 minutes. Cette émission parle des personnages sur une rue nommée la rue Tabaga, comme vous l'avez peut-être deviné. Il y a Monsieur Gazou, le gardien du zoo qui parle des animaux. Il y avait Girouette et Virevent qui jouaient à Quand nous serons grands. Donc, c'était un jeu dans lequel il mimait des métiers qu'il allait faire plus tard. Il y avait Madame des Barbouillettes qui travaille dans un salon de beauté et qui parle de santé et de propreté à Barbouille, le petit gars qui a à peu près 6 ans. Mais c'était pas crédible du tout, là. On savait qu'il était vieux. Et je sais pas si vous vous souvenez, c'était Carole Castagnette. Carole Castagnette. Ben oui, j'allais dire Castella, là. Mais... Robin Stella. Non, Carole Cassista de Télépirate. Le rejet qui animait en remplacement de Guy Jodoin à la fin de Télépirate. Mais le rejet, il a animé 3 saisons. Il a animé plus longtemps que Guy Jodoin. C'est ça. Bon. Exact. Mais quand même, les gens ont de la misère avec le changement dans la vie. Ben oui, moi j'ai pleuré quand Guy Jodoin est parti. Ben oui. Et bon. Lui, sa couette. Donc, ensuite, on avait Flip et Flap, qui étaient les deux chiens qui apprenaient une langue seconde. Donc, Flip, lui, parlait français et Flap parlait anglais. On avait le chef La Tartine, qui travaillait dans un restaurant. Et finalement, le Dude, qui travaille dans une station de télévision. En passant, quand il y avait le segment avec les deux chiens, moi, j'étais toujours fâchée parce que je comprenais jamais rien quand il parlait en anglais. Oh, c'est comme Nandora quand il parle en espagnol. J'aimais pas ça. mais aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça brillant d'intégrer de l'anglais dans une émission éducative pour enfants parce que moi, personnellement, j'étais pas portée à écouter la télé en anglais. Oh, que l'OQLF viendrait défoncer notre porte s'il pouvait. Hey. Apprendre l'anglais à des enfants de 5 ans? C'est la fin d'Assemblage Recul. Ben oui. Donc, j'écoutais pas vraiment la télé en anglais, sauf pour The Price is Right, mais ça, c'était bien avant que j'apprenne à parler. Aussi, je voudrais passer un message à ceux qui ont trouvé le titre de l'émission. C'est un brillant jeu de mots, mais il y a vraiment aucun enfant québécois dans l'âge du public cible qui savait c'était quoi un rutabaga. Donc, personne ne comprenait votre jeu de mots. Mais aujourd'hui, bien essayé. Oui. Quand même. Meilleure chance la prochaine fois. Et maintenant, on va entendre la dernière chanson thème d'aujourd'hui. Oh, c'est un petit peu plus difficile pour certaines personnes. Donc, OK, là, attends, c'est difficile, j'avoue. OK, vous avez trois chances. C'était quoi le nom de l'émission, les amis? Chaboum. Chaboum. Chaboum. Donc, les zigotons. Y a-tu juste moi qui comprends absolument rien au deuxième couplet? Que dalle. Mais il faut que tu te grattes le nombril, que tu te décrottes les oreilles. Non, mais ça, c'est le premier, si on comprend tout. Mais le deuxième, les enfants chantent. Mais quoi? Le deuxième, les enfants chantent. Je suis sûr qu'ils comprennent rien non plus. On l'a jamais su, mais c'est en anglais. Tout de suite après Bibi et Jennifer. Jennifer. Exactement. Donc, Les Zigotos, diffusion originale à Canal Famille de 1994 à 1998, donc un peu plus récent, un peu moins vieux, si on peut dire. Donc, c'est animé par Jean-François Beaupré, Anne Casabonne et Nathalie Derry. Il y a eu 400 épisodes de 28 minutes. Hein? Quand même, 400. 400 chances ratées d'avoir été là-bas. Tellement. Oh! Peut-être 800, il y avait deux équipes. Trois ou quatre. Trois ou quatre. Là, je suis pas bon en calcul. Donc, Les Zigotos est un jeu télévisé québécois mettant en vedette des jeunes du primaire. Les équipes de trois devaient relever des épreuves physiques en moins de 2 minutes. Si le défi n'était pas réussi, l'épreuve finale était... La cabastrophe. La cabastrophe, qui est, selon mon hypothèse, un mot valise avec les mots cabane et catastrophe, dans laquelle des objets surprises leur tombaient sur la tête, comme des bonbons, des guimauves, des céréales, des arachides... Ça, c'est vraiment pas cool pour les allergies. Je suis certaine qu'il n'y aurait pas le droit de faire ça aujourd'hui. Non, c'est clair. Mais il y avait des bas aussi, à un moment donné. Des bas, peut-être. Il y a eu une couple de trucs sympathiques, du riz. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait vraiment du budget à l'époque, pour vrai. Faut tomber des guimauves et des bonbons de même. Non, mais pour vrai, toutes les épreuves, les décors, c'était vraiment high-tech, là, selon moi. Pour vrai. Donc, ensuite, si l'équipe réussissait le défi, elle avait la chance d'aller dans... La mort maléfique. Oui, pour chercher la grenouille dorée. Les bras plongés jusqu'au cou dans une substance verte visqueuse. Et selon certaines rumeurs, je sais pas si c'est vrai, mais cette substance aurait été composée principalement de shampoing pré-plus. Ah. Ouais. J'ai déjà entendu ça aussi. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Bon, c'est cool. Donc, moi, je m'étais demandé toute mon enfance ce qu'il y avait là-dedans. Donc, entre les épreuves, les animateurs jouaient des petits sketchs tous plus cocasses les uns que les autres. Oh. Moi, je me souviens de la fille là, qui sautait tout le temps dans une flaque d'eau. Là. Tu sais, elle parlait de madame, elle était pas contente, elle était un peu grébiche, puis elle finissait Madame Grébiche. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est Madame Grébiche. Ben oui, puis après ça, celle qui faisait Madame Grébiche est devenue Claude dans La Galère. Exactement, c'était fait à Anne Casabonne, on trouve tantôt. Tantôt, j'allais chialer sur le fait que je trouvais ça bizarre que les émissions duraient juste 15 minutes au début des années 90, mais tu vois, elles sont passées une demi-heure pas mal après, puis ils ont commencé à faire des sketchs poches demain, fait qu'elle a pu rester à 15 minutes finalement. Ben non, mais souvent, les émissions de 15 minutes, ils en collaient deux ou trois ensemble, là, c'était. Puis ça, t'avais tout le temps comme un générique en plein milieu, puis ça recommençait. Ouais. Aussi, ben, je dois être honnête avec vous autres, j'étais totalement obsédée par cette émission-là. J'en rêvais même littéralement la nuit, là. Je rêvais à ça tellement je voulais plus que tout au monde participer à l'émission et mettre mes mains dans la mare maléfique. J'ai toujours été fan de ce genre d'émissions-là, avec des épreuves comme Fort Boyard, ça, j'adorais ça. Mais il n'y a plus ça à télé, des émissions de défis de même, les Forges du désert, ça, c'est la dernière, c'est quoi, y en a mais pas. Mais les Forges du désert, c'était pas bon, je sais bien, mais il n'y a pas eu là. Fort Boyard, puis les Zigotos. Ah ouais? Oh, il paraît que c'est terrible. Je sais pas. C'est revenu, je pense, à Vrac, avec des enfants, non? Ah non, Fort Boyard, le défi ultime extrême, là. Ouais, c'est ça qui est revenu. Ah, ouais. En France, je pense que ça existe encore en France, ça Fort Boyard. Ouais, ça dure comme 4 heures. Oui, puis ils font jamais d'épreuves. J'ai écouté ça pendant une heure à un moment donné. Ça comme un temps chaud. Ils parlent. Ils sont autour d'une table avec un grand écran derrière. Pareil comme tout le monde en parle, toutes les émissions sont de même en France. Ils mettent l'invité le plus plat avec les araignées. C'est ça. Le pendant genre une heure, il est là, puis il pense qu'il fait quelque chose, mais. C'est ce qui m'a le plus marqué dans Fort Boyard, parce qu'il a passé des reprises à un moment donné. À part les nains. Et c'était. Non, c'était. Néné. Michel Richard, OK. Elle devait se battre dans la bouette avec une fille pour aller chercher la clé de l'autre côté. Pourquoi tu choisis Michel Richard pour se battre dans la boîte? T'en as comme plein d'autres. Non, mais c'est parce que Michel Richard a vraiment engueulé la fille de la boîte parce qu'elle était fâchée parce qu'elle essayait de la mettre dans la boîte. Puis il a vraiment fait un power trip de Megastar. Oh non! Dans l'arène. Ah, c'est mon bel habit, ma bas chaveur. C'était, écoute, avec son chien dans les mains. C'est mon chien! Elle touche le chien, Fafé. Oh, mon Dieu. Wow. Les zigotos. Oui, donc, les zigotos, je rêvais souvent à ça. Et je me souviens, j'avais demandé à mes parents, comment je fais pour savoir si c'est un rêve ou pas? Ils m'ont dit, ben, pince-toi. Si ça fait mal, ben, c'est parce que c'est la vraie vie. Donc, moi, dans mon rêve, je me souviens, j'étais à côté de la mort maléfique. Ça allait être le moment de plonger les mains dedans. Je fais comme, oh non, c'est peut-être encore un rêve. Je me suis pincée, mais dans mon rêve, ça a fait mal. Je voulais être là. Mais fait que ça marche pas pendant tout le temps. C'est pas réaliste. Là, si tu veux savoir si c'est un rêve ou pas, faut que tu aies rempli un formulaire, que tu aies passé des auditions, que tu aies rencontré l'équipe de production, que tu aies passé un peu de temps à pratiquer. Je me souviens, j'ai même demandé, mon Dieu, quelle épreuve j'ai faite avant, je m'en souviens pas, c'est pas grave, la mort maléfique est là. Est-ce que vous vous souvenez de quelques-unes des épreuves qu'il y avait dans les zigotos? Non. J'ai vu une petite liste. Il y avait entre autres la carabox. Ah, ça, il y avait. C'était comme un couloir. Il y avait des poings et des pieds oranges. C'était Wipeout, finalement. Non, pas à tout. Comme Wipeout, là. Pareil. Hey, non. Puis là, il fallait qu'ils passent chacun leur tour dans le couloir pour soit kicker un truc orange ou puncher un truc orange, là. Puis il fallait qu'ils aient tout enlevé. Sinon, ça, je me souviens juste du nom. C'était 678 saucisses bien cuites. Non. Fait qu'il y avait 678 saucisses. À manger le plus rapidement possible. En plastique de couleur. Et là, il fallait qu'il traverse un coussin bien moelleux. Puis qu'il avait une grosse pelle. Il fallait qu'il mette les saucisses en plastique dans une marmite dont le couvercle se refermait tranquillement. Il y avait aussi le zigzag Zoulou. Ça, j'étais toujours très frustrée quand c'était ça parce que c'était super facile puis super plate. Tu sais, il était comme dans une poche de patate avec une partie d'un Z. Fallait qu'il traverse un petit circuit puis qu'il aille reconstituer le Z. Fait que tout le monde l'avait tout le temps. Finalement, il y avait aussi le golf tropical. Ça, c'était vraiment cool. Les enfants, il y avait des palmes d'un pied. Puis leur bâton de golf, c'était un tuba. Fait que c'était vraiment compliqué. Puis il fallait qu'ils rentrent les balles de la bonne couleur dans le trou de la bonne couleur. Mais il y avait une petite côte à monter. C'était vraiment cocasse, entre autres. Donc. Tu sais qu'on rêvait d'aller là. Ouais. Ben oui, vraiment. Vraiment. Ben même aujourd'hui, j'irai encore, là. Tu me donnes la chance d'y aller, puis je suis partante, là. Mais tu serais tellement déçu que ce soit Zigzag Zoulou que ton épreuve. Ouais, mais on va la gagner de toute façon, puis on va aller dans Mort Maléfique, fait que ça va c'est s'annuler. C'est important. Mais toi, t'es un enfant de nos jours, là. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas d'émission à laquelle tu peux aller participer, il n'y en a pas. Mais pour vrai, les productions québécoises comme ça sont. C'est rendu des petites comme plates. C'est déficient, c'est déficient. Ils ont vraiment abandonné ça complètement. Je sais pas si c'est le marché publicitaire ou je sais pas, parce qu'il n'y a pas de pub dans le temps à Canal Famille non plus. Ben non, il n'y avait aucune publicité à Canal Famille, mais c'était financé par quoi ça? Je sais pas. Je sais pas. Service public de la part d'Astral Média. Le grand arbre d'argent. Ah oui. C'est pour ça le logo. Ben oui. c'est assez. Donc, après avoir fait mes recherches pour ces émissions-là, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule nostalgique. J'ai trouvé deux sites internet qui font soit des capsules ou des web-télé avec des entrevues avec ces héros-là. Donc, il y a justement une web-télé qui s'appelle « Les héros de notre enfance ». Donc, je vais mettre les liens sur Assemblage requis pour tous les autres nostalgiques. Et ça, c'est ce dont David parlait en début de chronique ou hors ronde, là, sur les chansons-thèmes d'Orange Orange. Oui, oui, il y a Orange Orange qui a repris des chansons-thèmes. Bibi Geneviève. D'autres chansons. Ça, oui, oui, j'ai lu plus ça encore. Hier. Et plus encore. Donc, ça va être à voir. Mais là, écoute, il y avait tellement d'émissions encore. Je vais probablement revenir là-dessus dans deux semaines. Je vais avoir d'autres émissions à vous présenter. Génération de W. Oh, petite émission de geek. C'était bon, ça. Ouais, c'était Stéphane Crête, un bout qui animait c'était ça. C'était Élise Marquis qui animait ça en premier. First OG host. Et peut-être, ensuite, mais moi, Stéphane j'aimais Crête. Stéphane Crête. Mais c'était pas bon avec Stéphane Crête, hein. C'est comme un LAN party, mais à la TV. Bon, hein? Ah, je sais pas, j'ai pas écouté la version avec Élise Marquis, donc je peux pas dire. Merci, Steph. Ça fait plaisir. C'est les petits bonheurs des émissions jeunesse, part 1. Et on se retrouve dans deux semaines pour le part 2. Ça va être difficile de sélectionner d'autres émissions puis en mettre de côté. Parce que là, t'en as parlé de 5. La semaine prochaine, 10 ans. Non. Ben, mon Dieu, 5. Et dans deux semaines, donc la semaine prochaine, ce sera sur le campus, évidemment. Oui, exactement. Ouais. Merci encore et on va se quitter ici pour la petite partie de deuxième partie d'émission, genre la pause entre les deux, comme, genre le slash dot dash. Après la pause, David Ferron et la chronique La langue dans ton oreille. Tu veux nous parler de quoi, David? Je vais vous parler des triards. Super! J'en dis pas plus! Bon, les triards, ok. Ben oui. Et ensuite, d'autres choses, probablement Marie-Pierre Laforge-Bourret en fin d'émission. Et puis, je sais même pas où je m'en vais, moi, avec ça. Est-ce qu'on met l'info-campus? On met l'info-campus. Informons-nous sur le campus. Puis après ça, ben plus d'assemblage requis. Restez là. Les extrêmes, ça nous anime. CFO 89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours ensemble à Troquet en ce mercredi 27 mars 2013. Si j'étais le très très chaud animateur des Zigotos, il serait ma Anne Casabonne, Jean-Philippe Charbonneau. Il serait le Joël Legendre. Oui, l'on mêle les analogies. Stéphanie serait donc Élise Marquis. Ah, ça me va. Ça te va. Et David Ferron serait le petit soleil qui sautille sur ses jambes dans la chanson thème d'Enfant Fort. Oui, c'est clair. Ah, ils sautent pour vrai. Oui, la bouche ouverte. La bouche ouverte, ben comme toujours. Bon matin, David Ferron, ça va? Ben oui, merci, vous. Ça va très, très bien. Très, très, toujours très, tu très bien. Tu mets du soleil dans notre émotion. Ah, ben tant mieux. Parce que c'est le soleil qui sort. Oui, comme sur un coin de page, juste dessiné au corps avec des petits rayons. On le met tout le temps, le soleil est tout le temps dans le coin en haut à gauche. C'est jamais nulle part ailleurs. Non. Mais je suis content d'ensoleiller discrètement vos journées. Ça fait plaisir, on est bien content. Oui, d'ailleurs, c'est ça, Gustave. Oui, encore notre ami, frère, c'est à moi, Gustave. De la fenêtre, Gustave La Fenêtre, en fait. Oui, exactement. Lui, il voulait faire la chronique, okay. Sauf que, étant donné ses goûts musicaux assez douteux. Vrai, graisseux, je dirais même. Ah, nommez-les, sans, en tout cas. Prends-moi pas là-dessus. Je préférais que Gustave ne fasse pas la chronique, mais il nous a envoyé une lettre. En fait, il m'a envoyé une lettre de réaction, comme quoi Gustave n'est pas très content que je l'aille tasser. Voici sa lettre. OK, on écoute. David, encore une fois, oui, l'accent sort bien, d'ailleurs. Oui. Tu l'imites très bien. Continue. Il était tellement dans une bonne lancée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous gâchez mes concepts. Je passe trop vers la famille. Okay, on va écouter Gustave, il a besoin d'attention. David, encore une fois, fais tout pour m'oppresser. Pourtant, ce n'est pas parce que je l'ai essayé, j'ai tout essayé pour l'éliminer, que là, je dois subir cette oppression fatale. Je croirais dans une sitcom américaine où tu sais, il y a tant de blagues avant le générique d'ouverture, sauf que là, il y a comme 3 secondes de blanc avant que l'intro commence, mais bon, pas grave. David Ferron, bon matin, bonjour, rebonjour, salut, ça va toujours. Je dis-tu bonjour encore, mais c'est encore David, c'est Gustave? Gustave, il est supposé. Il est mort. Ben, j'espère. OK, donc, Gustave s'est fait tirer, parce qu'il avait l'air de tirer sur quelqu'un de la façon Non, c'est lui. Ah. Ben, en tout cas, j'espère que c'est lui qui s'est fait tirer et non lui qui a tiré quelqu'un. OK. Ben, moi, j'avais compris qu'il était mort. OK, ben tu vois, ça laisse présupposer des choses comme une finale de saison. C'est une fin ouverte. Ouais. Est-ce que ça va continuer à chaque chronique, un genre d'intro de sitcom comme ça, c'est cool? Ben, j'espère que non, parce que Gustave, je suis vraiment tanné, là. Ben là, Gustave, c'est un bon Jack, hein? Lui, c'est le seul amoureux de Windows 8 sur la planète, hein? C'est le frère anciennement siamois de David Ferron, ceux qui suivent pas. Là. Ben, justement, faisons en sorte qu'il soit éliminé. Mm-hmm. Ouais. Donc, aujourd'hui, on parle des triors. Oui, qu'est-ce que c'est que les triors? Ça vous intrigue quand je parle de triors, hein? Ça me fait penser à ma nouvelle margarine Bessel Or, là. Non. Avec goût de beurre. En fait, c'est encore plus savoureux que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le gala qui récompensait les artistes, en fait, les chanteurs et groupes franco-ontariens et de l'Ouest du Canada. Donc, Demi Robitaille. Oui, exactement, Andrea Lindsay, entre autres, mais également Les Surveillantes, qui est un groupe de Winnipeg. C'est eux qu'est-ce qu'on a entendu? On va les entendre tantôt. Oui, d'accord. Exactement, parce que eux, ils ont été en nomination pour le gala Triard qui a été diffusé à Radio-Canada le 21 mars dernier. Ça a été également diffusé sur les ondes de RTV le lendemain. Et Les Surveillantes, en fait, le groupe a été en nomination notamment pour le meilleur album de l'Ouest canadien et l'artiste solo ou groupe francophone de l'extérieur, s'étant le plus illustré en Ontario. Et là, on va écouter une chanson 2 qui est en fait la racine carrée du cœur tirée de leur album La forme de la gravité. Non, c'est le contraire, parce que la toune, c'est la forme de la gravité et l'album, c'est la racine carrée du cœur. La force de la gravité. Force. Oui, la force. La force. Ah! Que la force soit avec toi, David. Oui, on va écouter de manière forte la chanson. OK, je vais juste mettre le volume approximativement approprié. Je vais pas le mettre trop. Les gens pourront ajuster au goût. Excellent. Sur la radio. Excellent. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2977974899 fois 10 exposant moins 7 newtons. Dans ma classe de physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2977974899 fois 10 exposant moins 7 newtons. J'ai calculé que la force, la gravité qui nous pousse l'un à l'autre pourrait augmenter si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Je veux renommer cette théorie, lui donner un nom bien plus joli pour décrire cette force sublime qui pousse les gens à faire des folies. Comme une pomme qui me tombe sur la tête, Je ressens la foudre, je ressens ton éclair illuminé. Je me laisse aller à cette force plus grande que la gravité. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979789 fois 2,2979789789 fois 10 exposant moins 7 newtons. Pourrait être manqué si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. C'était les surveillantes avec la force de la gravité tirée de l'album La racine carrée du cœur. C'est quoi la force, hein, je pense? La force. Mais c'est-tu mauvais, rien qu'un peu? Ah, mais c'est une chanson qui rend vraiment, qui frustre bien des gens. David et moi, on aime cette pièce-là. Oui, moi, je la trouve très sympathique. J'ai trouvé mauvaise la première fois que j'ai entendu, puis après l'avoir mis dans le palmarès pendant un bout de temps, j'ai trouvé ça bon. Stéphanie déteste. Toute l'équipe de C'est fou déteste. Jean-Philippe, je pense que... Je suis mon animateur. Si je dis que j'aime ça, t'aimes ça? Ouais, parfait. Je vais avec la famille. Wow. Fait que toi, t'es en minorité, Stéphanie. Assume. Moi, j'assume. Aucun problème. Bravo. On félicite Stéphanie. Yay! Yeah. Je m'assume. Mes cheveux pleins de taux. Je suis différente. OK. Mais en fait, qu'est-ce que les triards, en fait? Les triards... Le gala des triards. Oui, exactement. On met les gens en contexte un peu. Oui, le gala des triards qui est en fait la fête de la musique franco-ontarienne et de l'Ouest du Canada. En fait, c'est comme la disque, on remet des prix à ces artistes-là. Et en fait, c'est organisé par Radio-Canada et la PCM. Qu'est-ce que la PCM? C'est l'Association professionnelle de la chanson et de la musique qui vise justement à promouvoir les artistes franco-ontariens et de l'Ouest du Canada. Et ça vient à tous les deux ans. C'est pas à toutes les années, c'est à tous les deux ans. Et ça, depuis 2001. Et là, cette année, ça a été animé par Martin Vanasse, animateur pour Radio-Canada. Et en fait, on peut revoir la rediffusion intégrale du gala. J'ai mis le lien sur le site Facebook d'Assemblage Requis et de La langue dans ton oreille. Et c'est pas long, c'est juste une heure. Cool, ah, c'est très court en effet. Ouais. Oh, et puis tant mieux. Puis c'est, en plus, t'as une heure qui est très bien remplie avec des prestations qui sont vraiment très agréables et très diversifiées. D'ailleurs, la veille, c'était l'autre gala qui a remis des prix davantage techniques ou pour des catégories plus alternatives. Pareil comme à la disque, finalement. Exactement, l'autre gala de la... oui, exactement. Donc, notamment artistes jeunes publics par excellence, coup de cœur des médias, meilleur site internet, etc. et etc. Et parmi les prestations qu'on a pu voir, qu'on peut voir justement sur le site Assemblage Requis, on peut entendre notamment Marie-Josée, une artiste de l'Ouest qui est vraiment bon, qui sort vraiment des sons tribales écœurantes, avec, qui a fait un duo avec Trisha Foster. On a également entendu Les Chiclettes, le groupe Mastic, Bobby Lalonde. On a également entendu Mehdi Kayan Club. Ceux-là sont des vétérans du palmarès de C'est fou avec leur pièce au Canada, qu'on aime beaucoup. Qui a clôturé justement le gala. Et en fait, je vais vous donner quelques exemples de gagnants pour voir qui a gagné. Ah, cool! Oui, donc quelques gagnants. Et la liste, c'est bien parce qu'il y a vraiment une belle diversité cette année. Contrairement à 2009, où ce que là, c'était Damien Robitaille et André Lindsay qui ont tout raflé. Mais là, cette année... André Lindsay, c'est la copine de Luc de la Rochelière. Luc de la Rochelière. Eh oui. Donc, eux, ils ont fait un duo ensemble, ils ont fait un album ensemble, justement, et qui a été un des gagnants, justement, donc, dans la catégorie meilleur groupe ou duo. Donc, en fait, non, c'est pas vrai. Meilleur groupe, c'est les Chiclettes. Et, en fait, les Chiclettes, qui sont les Chiclettes? C'est un trio de Sudbury, et c'est un trio féminin vraiment très dynamique. C'est que leur spectacle de chansons, c'est un mélange de cabaret, de Broadway des années 40, avec un petit soupçon... de rigolade, c'est vraiment très... Moi, je les ai déjà vus sur scène à Ottawa et vraiment, j'ai été ébloui. Pas beaucoup de décors, c'est pas hyper élaboré, mais leur simplicité, leur professionnalisme vont vous jeter sur votre... je dirais pas quoi, mais vous avez compris le message et on va écouter justement une chanson des Chiclettes qui s'appelle Miss Otis. se regrette, elle ne sera pas au rendez-vous. Mon chou, mes sorties se regrettent, mais elle doit annuler le tout. Elle s'excuse de ce contretemps, mais elle est rentrée hier soir très tard en pleurant. Vraiment? Mais les sorties se regrettent, elle ne sera pas au rendez-vous. Son pauvre cœur avait très mal. Brutal! Dans la rue, elle aperçut celui qu'elle avait perdu. Concu! Et sous sa robe de velours, sort un fusil et tire, pow! Sur son amour, ce fut son dernier jour. Connard! Il sautit, se regrette, elle ne pourra dîner ce soir. Sautiste de prison. Oh non! Ah non! Il a pendu au cou, au beau milieu des bourgeons. Et le moment avant sa mort, elle s'écria: je n'ai aucun remords. C'était Miss Otis des Chiclettes, tirée de leur album éponyme. Et d'ailleurs, j'ai fait mes devoirs et j'ai révisé justement les catégories et les gagnants-gagnantes. Et finalement, c'est ça. Les Chiclettes ont gagné le prix meilleur groupe. Mm-hmm. Et Andrea Lindsay et Luc de la Rochelière, ils ont gagné le prix Radio-Canada pour la chanson primée. Okay. Donc, c'est comme la meilleure chanson. Okay. Donc, pour je suis pas sûr, on dirait Luc de la Rochelière. Je suis pas sûr. Meilleure chanson, je sais pas. Ouais, c'est vrai que. Ben, c'est correct, puis en même temps, ça permet une diversification des prix parce que c'est. Il n'y a pas juste l'underground dans la vie, il y a le mainstream aussi. Ouais, ça existe. C'est vraiment tant que ça, mainstream. Mais ah. Bon, c'est vrai que c'est plus radio-friendly que. C'est ça. L'intention derrière est un petit peu plus commerciale. Mettons que c'est pas Violette P. C'est ça. C'est deux choses différentes, mais ça en prend pour tous les goûts. Exact, c'est dit, c'est dit. Excellent. D'ailleurs, je salue Marie-Hélène Thibert. Oui, oui, bonjour. Ciao, bye. je voulais pas dire ciao, Bella. J'ai rien dit. Donc, pour continuer avec les gagnants du Gala Triard, mentionnons Découverte de l'Ouest par Excellent. Ça va pas bien aujourd'hui. Je débouche. Je l'avais pas dit, on aurait même pas vu ni feu ni cuillère. Ah non, fait que j'ai bien fait ça. Oui. Ah, je peux. T'as pas mal fait ça. Est-ce que je peux avoir des applaudissements? Ben non, tu l'as mentionné. On va faire un slow clap debout. On va même me lever. Oui. On dirait un pingouin. Ben oui. On est loin du soleil d'enfant en forme. Hein, oui, toi. Donc, pour continuer, justement, l'interprète féminine par excellence, c'est Trisha Foster et non Andrea Lindsay. Hein? Surprise, mais Trisha Foster le mérite amplement. Oui. Donc, la Découverte de l'Ouest par excellence, c'est Marie-Josée. Et en fait, Trisha Foster, dans son discours de remerciement, c'est vraiment drôle parce qu'elle a dit... En fait, c'est un discours de remerciement à savoir féministe. Et elle a dit, je voudrais remercier à beaucoup de femmes. Et elle a dit, j'aimerais remercier Dieu car elle est merveilleuse. Oh! Ben, tu sais, c'est un personnage de roman, donc tu peux vraiment y donner la peau que tu veux. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a qui disent que Dieu est une femme, mais est-ce qu'il y en a qui adhèrent à ces théories-là ou pas? Mais c'est quand même intéressant, puis ça a été vraiment savoureux, son discours. Et Damien Robitaille également, qui a remporté le prix du meilleur interprète. Inévitablement. Et lui qui a dit « Je suis partout, mais je ne suis pas là ». Ah, comme une parole de Dieu. Chanson. Ah, je pense que c'est une parole de chanson. Merde. Ben oui, qui s'appelle « Omniprésent ». Ouais. Mais c'était bon. Oui, oui. Mais ça, justement, il n'était pas là. Donc, il a fait son discours de remerciement en vidéo. Ah, Dieu est un barbu. Eh oui, exactement. Oui. Bravo, Damien. Tu es omniprésent. Et concernant le meilleur album, c'est l'auteur-compositeur-interprète Steph Paquin. Steph Paquette, en fait, pardonnez-moi, qui est pas très connu, mais c'est du bon folk. C'est pas gros budget, mais son album, c'est agréable pour les gens qui aiment le folk simple. Mm-hmm. Ça s'écoute bien. Lui, il a également fait un discours de remerciement assez particulier parce que il a marqué les noms des personnes qu'il devait remercier sur son petit shirt blanc. Ah, c'est cute. Ouais, vraiment. Puis ce qui est bien, justement, avec ce gala-là, c'est qu'il y avait, justement, vous aviez pas l'air sûr, Steph et Mathieu. À chaque fois qu'on se regarde fort, tu le mentionnes en onde, c'est ça? Attends un peu. Ben, à chaque fois que je fais un move, tu le mentionnes en onde, hein? C'est à mon tour de mentionner toutes les choses que vous faites. C'est pas faux. Non, non, mais moi, je fais juste comme pousser mon micro avec mon nez. Hein? Comme ça? Moi aussi, je fais ça des fois. Quelle belle image. Attends un peu, on va faire un autre gag visuel. Je vais m'en relever debout. Pardon, OK. Ça fait quoi? Hein, des gags visuels à la radio. Ce serait le fun de te mettre à côté de Soleil dans Fanforme. Pourquoi tu ramènes tout le temps le soleil d'enfant formé? Parce que je suis comme obsédé. Toi, t'es obsédé par ton squelette. Bon, OK, ouais. là, on amène une blague. Attends, je veux juste comprendre le contexte de tes blagues. T'amènes une blague basée sur une photo oui. que j'ai prise de Stéphanie oui. dans un pavillon de la santé qu'elle a mis sur son compte Facebook personnel. T'amènes oui. ça à la radio. Ça, ouais. OK, juste pour être ça. Bon. OK. Trop tard. C'est pour ça que je comprenais pas. Ben, et personne d'autre non plus. Imagine si toi, t'as pas compris. Et t'es dans le groupe en ce moment en studio. Oui. C'est ça. En fait, l'émission d'aujourd'hui parle de l'existentialisme en prenant un café expresso par rapport à la bombe d'Hiroshima. Ça n'a aucun rapport, non. En fait, je vais terminer ma chronique sur le gala Trior. En fait, ça qui était le gala... de récompense pour les artistes franco-ontariens et également du reste de l'Ouest du Canada. Et il y a eu un hommage à Mary King, qui est elle, c'est comme la Renée Martel des franco-ontariens, c'est-à-dire que c'est une chanteuse country qui est assez reconnue. Mm-hmm. Et il y a eu vraiment des chanteurs qui ont interprété ses chansons. Puis elle a même, Mary King, une de ses chansons célèbres, c'est pas vraiment... ben, c'est une reprise, mais c'est quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Et vraiment... Ah oui, oui. Quand le soleil dit bonjour. Mais c'est un classique. Mais c'est un classique du western. Oui. Et elle, vraiment très sympathique, aucunement tête enflée, a eu beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour. Par exemple, un des présentateurs qui a fait le discours d'hommage à Mary King a dit « Quand j'étais jeune, je la voyais avec sa robe blanche, puis vraiment, ça m'a émerveillé. » Puis elle, elle a dit « Ben, la robe blanche, ça me fait plus. » Mm-hmm. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'autodérision. Tout ça pour dire que c'était très sympathique comme gala. C'était pas... des fois, on voit des galas, les gens remercient et on voit que c'est très formaté, très ouais. formel. Tandis que là, c'était très spontané. Les gens avaient l'air vraiment très émus, heureux d'être là. C'était comme une vraie fête. Tandis que dans certains galas, l'ambiance est froide. Il y a un petit peu de snobisme. Tandis que là, puis pour avoir été en Ontario, pour avoir côtoyé ce milieu-là, je peux dire que oui, il y a une belle collégialité, puis c'est vraiment une belle entraide, et ça parut durant le gala, mais ça n'enlève pas du tout. Le professionnalisme était bien monté, ça roulait au quart de tour, l'animateur était excellent, les prestations aussi, donc ça n'enlève rien du tout au professionnalisme. Je rappelle qu'on peut aller écouter ce gala-là-là sur le site oui. de Radio-Canada, sur tout.tv, j'imagine? Oui, ben tout.tv, non, je suis pas sûr, mais par contre, j'ai envoyé, c'est sur Radio-Canada. .ca. Oui, exactement, mais j'ai mis le lien direct pour pouvoir voir le gala en toute intégralité. Il n'y a pas de pause publicitaire et ça ne dure qu'une heure. Et pourquoi le Trior? La trille, c'est une fleur qui est le symbole, qui est un des symboles du drapeau franco-ontarien avec la fleur de lys. Ah, parfait. Vous allez voir, c'est un très beau drapeau. Si jamais vous faites Google drapeau franco-ontarien, c'est un beau drapeau vert et blanc. On va aller voir ça. Merci, David. Est-ce qu'il reste une pièce à écouter? Je pense que oui. Hein. Oui, Trisha Foster, la gagnante de l'interprète féminine par excellence du Trior 2013 avec Monsieur Le Temps, tiré de son album intitulé Négligé. C'est pas l'album Négligé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle a mis un certain effort dessus, ça. Oui, exactement. C'est quand même son troisième album. Jusqu'aux oreilles. qui se rend jusqu'aux orteils. C'était Trisha Foster avec la chanson « Monsieur le temps » tirée de son album qui s'appelle « Négligé », mais qui n'est pas du tout négligé. Ben non, ben non. Donc, on peut pas dire tiré de l'album « Négligé ». Exact. David Ferron, on peut pas dire « Négligé » de ta chronique non plus parce que tu as travaillé fort autour. Oui, j'ai quand même travaillé. J'ai passé une bonne partie de la nuit, je pense. Bon. De quelle heure à quelle heure? Peut-être de 3h du matin jusqu'à 7h à peu près. Okay. Je pense qu'on a de la visite pour terminer ta chronique. En tout cas, je sais pas, je sais pas. De la belle visite en plus. Oui, c'est ça. De la belle visite. Ben, Marie-Pierre qui est là. Mais avant, moi, okay. Ouais, c'est ça. Je n'étais pas sûr. Je pensais qu'on s'en allait vers d'autres. Oui, moi aussi. Je pensais que c'était l'alter ego qui était comme là. Aussi, je sais pas trop. Parce que j'ai vu une fille passer, puis je pense qu'elle n'avait pas les cheveux aussi bouclés que Marie-Pierre. Ah non? Ça commence par Marie aussi. Mais ça commence par Marie aussi. Je sais pas, est-ce que tu l'as pas vu passer? Je vais aller vérifier. OK. Lève-toi, vas-y. Oui, fais ça live. OK. La porte? Ben oui, il sort. Sort dehors pour voir s'il y a quelqu'un. Bonjour tout le monde! Oh, c'est Marie Melon! Bonjour David! Marie Melon, qui est la sœur anciennement siamoise triplée de Gustave, dont on parlait tantôt, et de David Ferron. Elle a, pour que les gens s'imaginent à la maison, écoute-moi pas, c'est pas un reproche contre toi, elle a des petites mains attachées après ses seins, comme les thalidomides qui ont les mains attachées après les coudes, mais à la place, lui, c'est après elle, c'est après les seins. Donc, Marie Melon est là. Et oh, attention! Oh non! Oh non! Oh non! Elle a David, quelque chose dans les mains! Regarde ce que t'as fait à Gustave, je vais te faire subir le même sort! C'est ça, qui pas pire, hein? Ah non, mais là, je pleure de tristesse. Je pleure pas parce que je ris de... Moi, je ris de joie. Au retour, Marie-Pierre Laforge-Bourin, sa chronique, etc. Bienvenue dans le monde de David Ferron. Pas facile. J'ai peur. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou de la scène émergente. Le plan de demain à assemblage requis. Maxi Bilodeau nous expliquera ce qu'est un sport dans ses collègues d'une foulée à l'autre. On retrouvera l'équipe symbiotique composée d'Anne-Julie Durocher et de Jasmine Raymond-Dréville. Et on parlera de politique avec notre ami François Landry. C'est demain 7h à assemblage requis. Soyez-y, sois là, toi. Oui, toi aussi. J'y compte. Je pense, en tout cas. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. 8h42 minutes et la voix qu'on vient d'entendre annoncer l'émission de si belle façon, douce façon. C'est Marie-Pierre Laforge-Bourret elle-même. Salut, salut. Salut, salut. Et c'est sa chronique, etc. C'est relaxant, cette musique-là. Tellement. Faut se mettre dedans. Ferme les yeux. Voilà. Je suis prête. Et elle voilà. Est prête. Marie-Pierre Laforge-Bourret, bonjour. Ben bonjour. Ça va? Oui, ça va beaucoup mieux que la semaine passée où j'ai pas pu venir parce que j'étais en semi-extinction de voix et je toussais ma vie. Ça a alarmé bien des gens qui nous ont posé la question en vrai, en personne. Est-ce qu'elle va mieux, ta chroniqueuse? Et qu'est-ce qui arrive? Et là, apparemment, ça va mieux. Et on reprend le rythme de tes chroniques aux deux semaines. Oui. Et tu nous parles principalement de films. Oui. Et aujourd'hui, attention, tu sais, dans la vie, des fois, t'as des plaisirs coupables que tu peux dire ou pas. Et bon, des fois, les gens te jugent sur ça. Et je tiens à dire que j'adore les films français, mais c'est beaucoup, comme c'est un peu anormal. Et bon, à chaque fois que j'écoute un film français, ma mère est comme « Non, pas un film français. » Puis mon frère « Ah, ouais, c'est un film français. » Puis là, tout le monde fait ça, tu sais. Mais non, j'adore les films français parce qu'il y en a des très, très bons. Et aujourd'hui, je viens vous parler du premier... Le film porte le titre « Le premier jour du reste de ta vie ». Okay. Poétique, hein, quand même. Le premier jour du reste de ta vie, oui. le premier jour du reste de ta vie. Il est sorti en 2007. C'est un film, comme je l'ai dit, français. Hein? C'est une comédie dramatique et bon, c'est d'une durée d'à peu près 2 heures. Donc, une petite soirée film, ça passe très bien. Le directeur, bon, vous allez peut-être pas le connaître parce que moi-même, je le connaissais pas avant. Il se nomme Rémi Besançon. Et il a aussi fait un film en 2011. Donc, je m'en avais dit l'année passée, mais c'est pas du tout l'année passée. C'est en 2011 qui porte pour titre « Un heureux événement ». Et bon, si vous avez envie de vous claquer 2 films français, mettons dans la même semaine, je vous le conseille aussi. Bon, Overdose. Un heureux événement qui est un peu l'histoire d'un couple qui décide d'avoir un enfant, mais bon, après ça, il y a une genre de petite dépression postpartum ou je sais pas trop quoi. Oui, oui. Donc, après c'est autour de ça, mm-hmm. mais sans être traité d'une manière tragique ou quoi que ce soit. Donc, c'est un film qui est super bon. Et mais bon, dans le premier jour du reste de ta vie, il y a des acteurs qu'on connaît. Oh. Un? Oui, oui, parce que c'est un Québécois. Oh. Allez, faites vos guesses. Faites vos paris. Mais là, moi, j'ai vu sur la feuille. Ben là, ça, tu peux pas le dire. Pas Stéphane Rousseau, toujours. Oui, non. Non. C'est ce que j'allais dire, Stéphane Rousseau. Non, non, c'est un... OK. Rémi Gérard? Devinette, ce matin. Ah, non, non. Ça bon, c'était bon. C'est un jeune acteur qui a joué dans un certain film qui a gagné beaucoup de prix en quelque chose comme 2005. Qui porte c'est pas le dude de Crazy, là? Le dude de Crazy, mais je me souviens pas de son nom. Le beau gars, là, c'est ça que ça veut ouais. dire, c'est ça? Marc-André Grondin. C'est ah, ça. Ben. Oui, Marc-André Grondin joue dans ce film-là. Il joue un Français, donc un vrai Français. Y a et l'accent est parfait. Okay. Je vous jure, je suis certaine que les Français sont confondus. Il y a un coach, j'imagine, là-dedans, qui lui a montré comment parler. Ça un doit être troublant, un entraîneur. Comme ça? Un entraîneur, désolé, pardonnez-moi. Mm-hmm. Oui, c'est quand même troublant l'entendre parler avec l'accent français, parce que bon, on le sait qu'il est Québécois, mais eux, est-ce qu'ils savent? On le sait puis pas. Marc-André Grondin, c'est pas un nom typiquement québécois non plus. Mm-hmm. Grondin. C'est Grondin. Pas Tremblay c'est ou... Ça. Charbonneau. Mettons. Plante. Plante. Mais bon, c'est ça. Il y a Marc-André Grondin qui joue dedans, Pio Marmaille, quelque chose comme ça, qui joue aussi dans un heureux événement. Donc, j'imagine que c'est comme un acteur que le réalisateur affectionne particulièrement. Un certain Jacques Gamblin, Zabou Bretman et Déborah François. Zabou Bretman, c'est beau comme nom. Oui, exactement. Pour faire un petit résumé de l'histoire, c'est l'histoire d'une famille, la famille Duval. Donc, les deux parents qui sont Marie-Jeanne et Robert et leurs 3 enfants, Albert, Raphaël et Fleur. Et bon, c'est l'histoire de la famille pendant environ 12 ans de leur vie, donc de l'enfance de la plus jeune Fleur jusqu'à bon jeune adulte, donc environ 12 années. Et bon, dans le film, la manière qui est fait, c'est super intéressant parce que moi, c'était une des premières fois que je voyais un film comme ça. Il y a 5... Le film tourne autour de 5 événements qui ont marqué les 5 personnes de la famille. Donc, c'est ça, c'est vraiment séparé en 5, donc l'événement qui a marqué Fleur, l'événement qui a marqué la mère, l'événement qui a marqué le père. Et c'est des événements qui sont décisifs dans la vie, donc qui mènent vers autre chose. Donc, c'est pour ça, tu sais, je disais, le titre est un peu poétique ou quoi que ce soit. C'est le premier jour du reste de ta vie, comme si ta vie, comme... c'est le premier jour du reste. Il ouais. y a un événement marquant. Charnière, qui est, si oui, on veut. Oui, oui, oui, exactement. Et bon, que ce soit un déménagement, la rencontre d'une personne en particulier, la mort, donc c'est plusieurs thèmes qui sont abordés. Et bon, on passe à travers l'adolescence d'une jeune fille, on passe à travers bon, plusieurs événements marquants. Et ce qui est intéressant justement à travers ça, à travers ce film-là, c'est de voir l'évolution. Tu vois l'évolution de la famille, mais à travers le regard de chaque personne. Donc c'est pas un regard, par exemple, il y a pas de narrateur, c'est vraiment le regard, par exemple, de la mère sur un événement qui l'a marqué. Ensuite, tu as le regard du père. Ensuite, tu as le regard de l'aîné. Donc, ça tourne vraiment autour de ça. Ça permet de voir des événements marquants, mais qu'ils sont d'une différente manière pour différentes personnes et qui influencent le reste de leur vie. Et bon, c'est sûr, bon, c'est touchant parce qu'il y a plusieurs thèmes qui sont abordés qui... Tu peux pas ne pas réagir ou quoi que ce soit. Là. C'est touchant puis c'est émouvant en même temps, mais ça c'est pas lourd. Donc, tu sais, ça peut paraître un peu, OK, un événement marquant, oh, blablabla. OK, non. Ça reste touchant, mais sans être lourd. C'est super émouvant, c'est très, très bien fait. Et la musique est excellente dedans aussi. Ah, et ça, je pense ouais. que ça nous mène vers un extrait musical. Oui, puis aussi, Marc-André Grondin, il est excellent. Et beau. Et beau. C'est pour ça qu'il a encadré son nom, sa pochette. Ah, oh. Ah oui. Oui. Oui, c'est le seul à... Mais c'est peut-être pour attirer ton regard oui. à toi puis le regard ben en tout cas, ça a très bien marché. C'est la pochette québécoise, peut-être. Mm-hmm. Hein? Peut-être. Moi, je pense que oui. Je sais pas, peut-être. Ben, je sais pas, je sais pas. Il faudrait que je m'informe. Donc, on s'en va entendre une pièce du film, c'est bien oui. ça? Donc, voici Lou Reed et Perfect Day. Perfect day. just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. C'était la chanson Perfect Day de Lou Reed. Oui. Très bon. Dans la chronique de Marie-Pierre à la Forge-Bourret, qu'on appelle Marie Etcetera, donc c'est la chronique Etcetera. Hein? Voilà. Exactement. Tu nous parlais du film Le premier jour du reste de ta vie. De ta vie, c'est bien ça? Oui, Le premier jour du reste de ta vie. Voilà, voilà. Oui, réalisé par Rémi Besançon. Et bon, comme je l'ai dit avant la pause, le titre, moi j'aime beaucoup le titre. Et bon, quand tu as écouté le film, on dirait que tu t'attaches au film et... tu l'utilises, tu te demandes tout le temps, est-ce que tu sais quand il se passe quelque chose d'important dans ta vie, ouais. Est-ce que c'est le premier jour du reste de ma vie, tu sais, mm-hmm. Ou j'ai une de mes amies, ben française, puis bon, elle avait une nouvelle job, elle dit Marie, elle dit c'est le premier jour du reste de ma vie, t'sais. Finalement ça n'a pas marché du tout, mais tu te dis ok, c'était pas le bon. Elle en aura un autre. Elle en aura un autre, absolument. Mais ça, est-ce que c'est une expression qui est très utilisée en France, cette expression là? Ah, ben, j'en ai aucune idée, je suis désolée. Non, c'est l'allusion au film qu'en fait qu'on fait. Ah, ok. Mais t'avais la question tantôt de qu'est-ce qui t'attire, Marie-Pierre, sur, chez les films français. Dans les films français, qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que c'est l'humour? Est-ce que c'est leur façon d'écrire? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est pas tant l'humour. Bien que l'humour soit intéressant. Ça compte quand même. Oui, mais je crois que c'est la manière que les sujets sont traités. Donc, je crois que c'est ce qui m'attire parce que Je n'ai pas encore mis le doigt sur ce que j'aimais tant dans les films français, mais apparemment, c'est pas tout le monde qui aime ça. Ben non, mais c'est un monde à découvrir. Les ouais, gens, tu sais, on j'adore les films français. On dit souvent que les gens n'écoutent pas assez de films québécois. C'est pas les films qui font le plus d'argent au box-office. Ben, les films français, c'est à peine s'ils en diffusent dans les cinémas parce que les gens ne vont jamais les voir au Québec de toute façon. Donc, mm-hmm. C'est le genre de truc que Caroline Néron n'ira jamais voir parce que peut-être qu'elle trouve qu'il y a trop de dialogues. Caroline Néron, juste étant de nuche, j'imagine, c'est ça que tu veux dire. Non, mais c'est parce que m'a donné Caroline Néron, il y avait le Journal de Québec qui a fait un topo sur Caroline Néron parce qu'elle était dans un événement de femme d'affaires, puis m'a donné, elle dit, ben, si l'industrie québécoise du cinéma va pas mieux, c'est parce qu'il y a trop de dialogues dans les films. Ah ben oui. Ah. Ben écoute. C'est pourquoi pas. Puis Hugo Dumas a répliqué en disant, il y a trop de paroles dans les chansons de Caroline Néron. C'est excellent. Bien dit. Belle réplique. Bravo. Bref, chronique cinéma, encore une fois, est-ce que tu reviens la semaine prochaine ou dans deux semaines? Oui, je pourrais revenir la semaine prochaine. J'ai pas encore choisi sur quoi j'allais faire, mais on ça sent bien. On reprendra le rythme des deux semaines après ça, parce que t'étais pas la semaine passée, t'es venu cette semaine, c'est comme tu mets là, mais tout ce qu'on a retenu, c'était la semaine prochaine. Bon. Exactement. À 8h30 dans l'Assemblage Requis. Merci Marie-Pierre Laforgebois. Ça fait plaisir. Écoutez ce film-là, ça vaut vraiment la peine. On prend tout ça en note et certains les empruntent même. Oui, mais je l'ai pas écouté encore, celui-là, d'il y a 3 semaines. Mon Dieu, faudrait que je l'écoute. C'est bientôt le congé de Pâques. Oui, il y a ça. Mais écoute, Maria, tu devrais m'initier au film français. On devrait en écouter un ensemble pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine? Ben, okay. Parce que moi, honnêtement, je suis tout le temps craintive, justement. Quand je regarde des films que je vois qu'il n'y a pas de version originale en anglais ou que c'est des noms bizarres, je suis comme, non, j'écoute pas ça. Fermé d'esprit, hein? Ben, ouais, peut-être, là. J'ai tout le temps peur, fait comme, oh, ça me tente pas. Toutes tes valeurs sûres. Tu sais que le blockbuster américain a fait des milliards au box-office. Tu vas trouver quelque chose. Pas nécessairement, mais je sais pas. Des fois, on a une petite crainte d'aller voir ailleurs, mais ça serait peut-être le moment. Ouais. Je vais t'arranger ça. Parfait. C'est un défi à relever. C'est la semaine prochaine. À la vite. Oui. T'as l'air de vouloir dire quelque chose encore. Non. Okay. Est-ce que tu veux entendre une pièce? Il a assez parlé. Tu veux entendre Boy, David Ferron Boy? Oui. Little Numbers. On t'a fait jouer. Okay, on... Petit dos de Boy. Oui. Joue du piano. Oh, t'es bon? Pas de banjo, hein? Je sais tu. Dans ça. Boy, Little Numbers. Quand je fais 20 secondes, tout le monde continue de parler. Puis à un moment donné, Jean-Philippe fait attention! Oui. Attention! Là, les lumières ferment. Il est meilleur pour taper des mains que toi. Merci. Si je me lève debout encore pour taper des mains. Non. Non? Non. Donc, merci à tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Ils sont tous encore avec nous. Stéphanie Paradis, merci. Oui. David Ferron, merci. Ça me fait plaisir. Mike-Pierre Laforge-Bourret. Oui. Oui. Mathieu Plante. Merci beaucoup. Oui. Demain, l'émission, on aura Maxime Bilodeau, sa collègue sportive. On aura aussi Anne-Julie Durocher avec sa collègue L'Index. Jasmine Raymond-Rémy, la collègue de la GQTR. François Landry, les politiques. Tout le monde danse sur la chanson de fin. On se quitte avec Jean-Philippe, une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est Ma tête dégèle. Passez une très, très belle journée. Restez pour le dîner de con à 11h. Et puis en après-midi, il y a des reprises et des nouvelles émissions, entre autres dans mes écouteurs en fin d'après-midi. C'est toujours très, très bon avec Joanie Gagnon. Passez une belle journée. Ah! À demain, j'arrive à l'heure. Me semble. Ouais, que je vais arriver à l'heure. Ouais, hein.